La Pomme, le podcast, édition du 11 novembre 2014. Aujourd'hui à l'émission, une entrevue avec France Snow pour Tigidou. Des nouvelles de Office, il était temps, et Tim Cook est sorti du High Garde-Robe. Bienvenue à La Pomme, le podcast, édition du 11 novembre 2014. Et subtilement, je vais tranquillement renvoyer les écouteurs à Jean-Michel, notre technicien de son, qui va s'occuper d'écouter si je parle pas trop fort pendant le podcast. Oui, si tu parles trop fort, comme la console est à l'autre bout de la table, je ne pourrais pas l'ajuster. Je vais juste pouvoir te le dire ou dire à quelqu'un de l'ajuster pour moi. Excellent. Vous écoutez en ce moment La Pomme, le podcast, diffusé aux deux semaines les mardis soirs dès 20h. Les animateurs du podcast La Pomme, moi-même, Jean-François et Jean-Michel, partagent leurs découvertes, vous livrent leur vision de l'actualité Apple et peuvent même régler vos problèmes informatiques en direct. Elle devrait pas être sur la note ligne, cette ligne-là, parce que je coupe toujours. À l'occasion, des invités viennent nous faire connaître leur initiative Pommesque, et c'est le cas ce soir. On verra ça un petit peu plus tard. Sans plus tarder, voici mes deux co-animateurs pour aujourd'hui. Se remettra-t-il de la fermeture des Best Buy de la région? Jean-Michel est avec nous. Ouais, je magasine pas chez Best Buy. J'étais juste surpris de voir que le Best Buy des Galeries d'Anjou était fermé depuis je sais pas trop quand. OK, mais tu t'en sacs qu'il soit fermé. Je m'en sacs, je magasine sur Amazon parce que c'est moins cher. Excellent. Mais c'est dommage parce que Best Buy est une belle salle de montre pour Amazon, je trouve. Ben, tu vas chez Best Buy, tu trouves ce que tu veux acheter. Puis tu le commandes avant même d'être sorti du magasin parce que l'application Amazon permet de scanner les codes-barres des produits. Et voilà. Excellent. Il ne fut pas surpris lorsque Tim Cook est sorti du garde-robe grâce à son application Gaydar, pas encore optimisée pour iPhone 6. Jean-François est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, pas mal. Passé un bon deux semaines? Oh ouais. OK. Ouais, ouais. L'automne, hein? L'automne, ouais, ouais. La Pomme, le podcast, est rendu possible grâce à la collaboration de Air Repair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle. Il semble que quand tu te connectes au réseau sans fil là-bas, t'as comme 8 pages à dire OK, OK, OK, et ça écrit quelque chose pour toi dans Facebook. Bref, je vais voir ça avec eux. Je trouve ça un peu bizarre. De iWeb aussi, qui est le pommier derrière La Pomme. iWeb, c'est cet endroit où est-ce que vous pouvez héberger. En fait, ils ont des serveurs pour vous. Vous pouvez les louer et héberger ce que vous voulez. Et l'iMusée, où on est en ce moment, c'est notre quartier général et c'est l'ancien studio de CIBL. Derrière moi, en fait, par là, il y a Rock et Belles Oreilles qui a commencé là. Oui. Messieurs, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vus. Oui. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité qui vous ont... fait hérisser le poil. Ben ou... moi, j'ai été arrêté hier pour meurtre. Oui, effectivement. Hein? Tu faisais ta gig de taxi habituel. Exactement. Et pas Uber, là. Taxi, non, non, taxi vraiment. Old téléphone. School. Ben, ouais, c'est ça. Exactement. Et t'en as zigouillé un. Ouais, peut-être c'est too soon comme joke, mais... Ben, il a été retrouvé par son GPS. Il y a eu un... C'est vrai? Il s'est livré au policier en taxi. Ah oui? Oui. Ah oui, celle-là, je l'avais pas vue. Je sais pas, hein? Pas si c'est chargé la course. OK. Ben, le gars s'appelait pareil comme moi, Jean-François Roy. Fait que. Ça. Semble qu'il y a un pompier corrompu aussi, ouais, ou quelque chose comme un ça. Un chef de pompier d'une ville, je me souviens plus laquelle, mais s'appelle Jean-François Roy aussi. Fait que ça va pas très bien. Oui, mais en même temps, tu t'appelles pas Rogatien Pouet-Pouet là. Fait que. Non, bon. C'est sûr. Toi, Jean-Michel, coup de 12, coup de 12? Oh, pas de coup d'ose, pas de coup d'ose cette semaine. Parfait. Moi, j'en ai un. Oui. J'ai un coup d'ose. OK. Je l'ai dit tantôt aux conservateurs. Oui. Que cette semaine, ils vont peut-être voter en chambre que le 11 novembre va devenir une fête nationale. Canada Coast to Coast. Fait que merci beaucoup. Il est à temps. Toi, tu veux juste une journée de congé. Oui, je veux juste la journée de congé de plus. Là. C'est, parce que, gars, il était à la banque aujourd'hui. Les banques sont fermées. Tu veux juste une journée de congé de plus pour aller te faire bronzer parce que exactement. Tu manques de soleil. Exactement. Moi, je pourrais donner mon point de vue comme quoi ma qualité de vie a été réduite de beaucoup aujourd'hui parce que je voulais aller déposer mon change chez TD puis j'ai pas pu. Fait que coup de 12. Coup de 12, oui. Bon, pour la même coup chose. Coup de 12 aux conservateurs qui n'ont pas encore déclaré le 11 novembre un jour férié. Pour que ce soit non, clair. Coup de 12 au gouvernement québécois qui n'a jamais voulu faire comme les autres provinces puis déclarer le 11 novembre ben un jour oui, férié. Là, j'ai entendu ça la semaine passée, comment il s'appelle, l'ancien ministre des Transports, là. Gérald Tremblay. C'est pas grave. Celui qui bafouillait tout le temps. Oui, comment que ça s'appelait? J'ai aucune idée. Mais... En tout cas, lui, là, elle, il disait, oh, ben là. Sam Hamad, ouais. Exactement. Là, il disait, oh, ben là, on va regarder parce que là, si les conservateurs votent pour ça, on n'est pas trop sûr, mais vous êtes obligés, c'est le Canada qui vote, puis parce que les autres, ça va leur coûter cher. Ça, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a ça, parce qu'ils ont pas, parce que là, on est en temps d'austérité au Québec. Oui. Si le 11 novembre, l'année prochaine, tombe une journée fériée, fait que c'est l'État au complet qui paye pour tous les employés, fait que ça va coûter un bras et deux jambes. Effectivement. Pour ma part, j'ai un coup d'os, qui va aller à Obama pour avoir demandé aujourd'hui une application stricte de la neutralité du net. Mon c'est un Dieu. Débat qui... Ça dure. En fait, il a expliqué qu'est-ce que lui voyait dans la neutralité du net. C'est ce que tout le monde comprend, sauf la même gag qui croit pas que les icebergs sont en train de fondre. Et parlant de eux autres, mon coup de dos va aller aux Américains pour avoir élu les républicains à la Chambre haute, parce qu'on en parlait avant le show, et là, ils ont le Sénat, la Chambre haute. Oui, ils ont les deux chambres. Et peut-être, aux prochaines élections qui vont avoir la présidence en plus. Mm. Et si nous autres, on est trop tweet pour sortir les conservateurs de là, watch out, hein, le vent, ça s'en vient tout par ici, là, ça va être beau. Pollué solide. Ouais, ça sera pas beau. C'était tout pour notre petite aparté. La chronique politique. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on dit de extérieur à l'informatique. Non, mais tu sais, PKP qui va se présenter au chefferie du PQ, c'est on savait pas pantoute. On s'en entendait pas. Il vient de le dire. Oui, il vient de le confirmer. Voilà. OK. Et Julie en première dame à TVA qui ont eu une exclusivité sur le fait que Pierre-Carl Péladeau... Julie en première dame. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à réagir sur Twitter en utilisant le mot clic la pomme. C'est hashtag LAPOMME. Et le site web, Jean-Michel, c'est quoi déjà? C'est le LAPOM.ME. C'est quand même la meilleure place pour aller s'inscrire au feed RSS. Tout neuf du truc. J'avais comme un... Du truc, tu veux dire le podcast? Du podcast, oui. C'est parce que mon esprit était ailleurs. Je cherchais, j'ai un autre bout de texte à lire, donner. Oui, c'est ça, il est plus bon, on va y revenir dans ce cas-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires ou de répondre à vos questions et vous donner plus d'informations sur les sujets abordés durant l'émission. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes, ce qui fait monter le podcast dans le top 200, duquel nous ne sommes plus actuellement. En tout cas, pas en tant que la pomme. On reste à notre place 50 là, avec l'ancien diffuseur. Et on regarde les commentaires autant dans le magasin de podcast canadien que français. On regarde les deux, on n'en regarde pas d'autres. Là. On passe pas nos journées à ça. Avant de passer aux nouvelles, messieurs, on a une invitée aujourd'hui. Je vais te demander, Jean-Michel, de passer ton micro, ta place, que tu as bien réchauffé. Aujourd'hui, on reçoit France No. France No est à la tête d'un empire de jeux de table. Elle fait un jeu de table depuis quelques années qui s'appelle Tigidou. Et l'année passée, on est un petit peu passé à côté, elle a sorti une application iPhone et Android. Et elle vient nous en parler. Bonjour, France. Bonjour, c'est gentil de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ouais. Moi, je suis tombé cette semaine sur un article du Direction informatique qui parlait de ton application. Et en faisant un peu la recherche, je me suis rendu compte que Mac Québec en avait parlé il y a un an, oui. Quand même. Donc, l'application est là depuis un an, presque. Janvier dernier, mettons, accessible à tous et facilement repérable dans les moteurs de recherche sur App Store et Google Play. Oui. Et donc, ça va être son premier Noël qui va passer. Une excellente idée cadeau. Donc, parle-nous en fait un petit peu de la genèse du jeu. C'est un jeu de cartes à la base, de vraies cartes. Oui, tout à fait. C'est un jeu de société en format de jeu de cartes qui existe, un jeu questionnaire, faut dire ça. Basé sur le jeu de cartes à 52 cartes. La genèse, le tout premier que j'avais inventé, qui est encore en magasin d'ailleurs, tous les jeux de société sont encore dans plus de 125 points de vente partout au Québec. Et le premier que j'avais inventé s'appelait PokerCast pour poker et questions. Le premier thème était sur l'histoire de la ville de Québec pour célébrer leur 400e. Donc, la genèse vient de là. J'étais allée présenter ce jeu-là dans des kiosques lors du 400e. Et devant le succès, j'ai fait « Oh, je pense que j'ai quelque chose ». J'ai développé le second qui est Capitale du monde. Cette fois-ci, je l'avais fait bilingue. Et suite à ça, les détaillants me disaient « Ah, les parents sont frileux à se procurer des jeux qui ont le mot poker dedans. » Alors, j'ai fait une pause pendant un an et j'ai changé de designer et j'ai trouvé et j'ai enregistré la marque de commerce Tigidou au Canada et aux États-Unis. Donc, et là, j'ai fait, on est rendu maintenant à plus de 8 thèmes de jeux Tigidou, soit unilingue français, bilingue ou unilingue anglophone, parce que je suis en vente sur Amazon.com aux États-Unis. Maintenant, l'application mobile est la transposition électronique du jeu de société. Et comme le jeu de cartes, Tigidou en application mobile, il y a deux façons de jouer, deux modes de jeu. Avant, on va y revenir. Oui. Avant, Tigidou, ça vient d'où le nom? Pourquoi ce nom-là pour un jeu questionnaire? Bien, la principale critique qu'on me disait, c'était le nom alors que ça s'appelait PokerCast. Oui, ça on peut comprendre. Alors j'ai fait OK. Alors là, j'ai cherché un nom qui, dans sa nomenclature, décrirait le jeu. PokerCast semblait répondre à cette interrogative-là. Bon, alors j'ai dit OK, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de trouver. Et finalement, je me suis dit, bon, arrête de te casser le coco. Fais juste trouver un nom sympathique qui se dit dans toutes les langues et de préférence un mot québécois. Et c'est Tigidou qui m'est venu à l'esprit. Cependant, je l'écris avec deux O à la fin, même si dans le dictionnaire, le mot existe. Sauf qu'il s'appelle T-I-G-U-I-D-O-U dans les dictionnaires. Mais moi, pour qu'il soit prononçable dans toutes les langues, il se termine en D-O-O. Donc, c'est un mot sans accent, donc qui peut se dire dans n'importe quelle langue. C'est voilà. Cute en anglais, Tigidou. Ah, c'est tellement Tigidou, drôle. Tigidou, minou, il n'y avait pas quelque chose avec ça? Tigidou, oui, right through. C'est drôle parce que tout dépendant d'où vient l'anglophone en question, ça peut être Tigidou, ça peut être Tigidou. Les Montréalais anglophones vont dire Tigidou. Ils connaissent l'expression. Ils connaissent le mot très bien, Tigidou, ils vont dire Tigidou. Mais ça peut passer de Tigidou à Tigidou, mais c'est sympathique, voilà. Excellent. Ouais. Donc, il y a un an, vous avez développé, c'est quoi la compagnie avec laquelle vous avez... C'est la compagnie qui a développé l'application? Celui qui a fait la programmation, qui a développé l'application, s'appelle les solutions Brain Tonic. Okay. C'est des Québécois aussi. Et voilà, on est en partenariat. Pour la version application mobile, on est en partenariat ensemble. Excellent. Oui. Donc, le jeu fonctionne, en fait, c'est un jeu de questions. Oui. Y a une twist, par exemple, au niveau des questions. Je pense que selon le degré de la carte, les questions sont plus ou moins complexes, c'est ça? Tout à fait. Comme le jeu de cartes, Tigidou a la particularité que plus la carte est forte, plus la question est difficile. Donc, plus la carte vaut de points. L'application mobile fait de même. Je ne sais pas si vous voulez parler de l'application mobile. Oui. OK. Alors, l'application mobile, la première des choses, dans la première page, quand vous entrez dans l'application mobile, vous choisissez la langue de base de l'interface. Pour le moment, le français et l'anglais sont disponibles. Ensuite, vous allez dans la page des paramètres. Vous pouvez choisir de jouer entre 1 et 4 joueurs. D'ailleurs, pour ceux qui ont des smart TV, des téléviseurs intelligents, on se branche, puis dans le temps des fêtes, on peut jouer à Tigidou en famille. En faisant ou avec AirPlay. Voilà. Alors, J'ai joué à Tigidou sur ma 46 pouces avec mon Apple TV. Là. Oui. On la voit mieux. On voit mieux l'application. Ben, oui, c'est sûr. By the way, allez-vous la mettre à jour pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus? Parce que je pense pas que le lettrage qui est dessus ne paraît comme il faut. C'est probablement une mise à jour qu'il faut faire pour la grandeur de l'écran. Oui, c'est fort possible. Écoutez, c'est sûr que ça, c'est mon concepteur d'application mobile qui s'en occupe. Qui garde ça. Il est probablement tout à fait au parfum de ça. La première page, on choisit l'interface de base, soit français ou anglais. La deuxième page, c'est les paramètres. Donc, comme je disais, on peut choisir entre 1 et 4 joueurs. Mm-hmm. Il y a également trois niveaux de difficulté. Facile, moyen et difficile. Si vous choisissez facile, pour chacune des questions qui vous sera affichée, trois choix de réponses seront offerts. OK. Si vous choisissez difficile, vous devez inscrire à l'aide de votre clavier la réponse sans faire de faute. Sans faire de faute d'orthographe. Voilà. OK. Voilà. Moyen, c'est un mélange des deux. OK. Le troisième paramètre à choisir, c'est le chronomètre. On décide de l'activer ou pas. Ensuite, le démo est gratuit. Le téléchargement du démo est gratuit. Il y a 26 questions voilà. dans le démo, le démo, c'est c'est une version partielle du jeu Tikidou Classique qui contient 52 questions. OK. Et présentement, Tikidou Classique offre 8 thèmes, tous vendus séparément ou par forfait. Le démo est un amalgame de ces 8 thèmes-là pour vous donner une idée du genre de questions qu'on pourrait y trouver. Maintenant, une fois que vous avez choisi vos paramètres, il y a deux façons de jouer. Il y a deux modes de jeu. Et tout ça dans la même application pour Bourbon pas cher. Alors, on a le Polymath. Le Polymath, c'est l'équivalent du jeu de société où on se sert des questions comme des cartes, comme une série de cartes questions. Okay. Alors, chaque joueur est appelé à répondre à des questions et accumuler des points. Aussi simple que ça. On pose une question, si tu l'as, je te donne la carte, ça fait un point, puis... Voilà, exactement. Okay. Si on me pose la question d'un 8 de trèfle, j'ai la réponse, je ferai 8 points. Okay. À toute question qui n'est pas répondue correctement, puisque c'est un jeu éducatif, pour toute la famille, également pour les enseignants, quand une question n'est pas répondue, la bonne réponse s'affiche et virtuellement, elle retourne en dessous du paquet. Okay. Donc, elle reviendra. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être attentif. OK, pour s'en souvenir. Excellent. Voilà, voilà. La partie se termine quand le paquet de cartes virtuel est terminé. Ça fait la même chose, je pense, dans le démo. Hein? Ils m'ont reposé les questions à la suite. Oui, voilà. Tout okay. à fait. C'est un jeu pour apprendre. Alors, si on n'a pas la bonne réponse, c'est correct. On peut se tromper. L'idée, c'est de retenir la bonne réponse. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, le deuxième mode de jeu, qui est le croupier, qui est également la transposition du jeu de société comme tel. Plutôt que de répondre à des questions pour accumuler des points, on répond à des questions pour accumuler des cartes. OK. Et le but de ce mode de jeu-là est de terminer avec la meilleure combinaison de 5 cartes. La meilleure main. La meilleure main, qui est la main gagnante classique que l'on retrouve dans le jeu de poker, de crib ou de yum, par exemple. OK. Une paire, deux paires, un brelan, etc., etc. La particularité, c'est qu'en plus, chaque joueur a 3 chances durant la partie. Il a accès à 3 cartes défi qui lui servent à défier un adversaire. Si l'adversaire ne répond pas correctement à la question, ça me permet de subtiliser une carte dans sa main. OK. Donc, soit pour améliorer ma main ou de défaire la sienne. Encore une fois, le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes dans le paquet virtuel. Donc, il y a un élément de stratégie, un élément de connaissance. Un élément de mémoire. OK, oui, parce que les questions reviennent. Voilà, tout à fait. Ensuite, une des particularités qui nous distingue de toutes les autres applications mobiles, c'est sûr que la quantité qu'il y a, je n'ai pas pu toutes les tester. Là. Si vous choisissez votre interface, par exemple en français, au tout début de l'application, lorsqu'une question vous est affichée à l'écran, par défaut, elle est en français, mais en un seul clic à l'écran, vous pouvez changer en anglais. Mm-hmm. Alors, soit c'est un très bon outil pédagogique pour apprendre la langue anglaise et ou la langue française, ou ça permet aussi d'avoir une interaction avec des gens anglophones, par exemple. Oui, je l'ai essayé, j'ai trouvé ça bien. Parce que là, j'ai marqué français-anglais, je vais essayer, je veux anglais, puis instantanément, la question switch en anglais. Oui, alors on n'est pas obligé de sortir de l'application, de retourner l'interface principale. Tout se fait pendant le jeu. Donc ça, c'est une chose qui nous distingue des autres jeux questionnaires. Vous parlez beaucoup, en fait, de l'utilisation du jeu dans des situations pédagogiques parce que les thèmes s'y prêtent beaucoup, que ce soit le corps humain, les capitales du monde, le 400e de Québec. Il y a une version spéciale du jeu de cartes, je pense, qui a été fait pour les différents corps de métier en collaboration avec la commission scolaire des affluents. Oui. Donc ça existe depuis 2013. Oui. Excuse-moi. Oui, donc l'application se retrouve beaucoup, en fait, vous la poussez beaucoup, beaucoup dans les écoles et les trucs comme ça pour outils pédagogiques. Tout à fait. En fait, le concept de base de Tigidou, je le voulais, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, je suis l'inventrice de ce concept. Pour l'application mobile, je n'ai pas le talent. J'ai dû avoir les bons services de Brain Tonic. Le concept, à la base, je le voulais illimité. OK. Alors, que ce soit pour la version jeu de cartes ou pour l'application mobile, le développement qui s'en vient, je l'espère, si les rentrées d'argent sont assez substantielles pour nous permettre de réinvestir. Ça veut dire acheter l'application, gang. Voilà, oui. Mmh. Acheter les modules payants. Oui, voilà. Parce que l'application est gratuite. Quand on la télécharge, elle est gratuite. Voilà. Alors, les prochains développements, c'est d'ajouter pour l'application mobile, c'est d'ajouter des langues. Alors, okay. Après ce clic, on pourrait passer du français à l'anglais, à l'espagnol, à l'allemand, à l'italien. OK. Ça, éventuellement, ça fait partie du développement. Est-ce qu'on va l'atteindre? Nous l'espérons, bien sûr. L'autre chose qui fait que c'est illimité, c'est qu'on peut faire un jeu, soit le jeu de cartes ou l'application mobile, sur n'importe quel sujet. OK. Alors, l'exemple que vous venez de donner, parcours scolaire et métier, nous l'avons fait pour le comité de persévérance scolaire. On a fait le lancement l'année passée lors du premier salon de la persévérance scolaire. Donc, on peut faire un jeu de cartes, Tigidou, ou l'application mobile Tigidou, pour n'importe quel organisme qui cherche soit un levier de financement, parce qu'il y a moyen de faire des sous avec ça, et ou un outil promotionnel. Alors, je donne un exemple. L'application mobile, on peut très bien faire un Tigidou sur une municipalité qui fête un prochain anniversaire. Alors, on peut faire le jeu questionnaire avec les deux modes de jeu, en anglais, en français, etc., etc. C'est pas Denis là, qui va fêter Montréal? 375e de Montréal. On aimerait les approcher. C'est pas évident. C'est sûr que Tigidou est assez nouvelle dans le monde multiple des applications mobiles. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait ça. En plus, la version jeu de cartes, tout est fait entièrement au Québec, en plus de matières recyclées. Alors, par exemple, pour le 375e de la ville de Montréal, c'est intéressant d'avoir les deux. C'est-à-dire un touriste qui vient à Montréal, qui va dans les dépanneurs ou dans les bureaux de tourisme Montréal, peut très bien repartir avec le jeu de société Tigidou. Mm-hmm. Et il apprend et sur l'histoire et sur les choses à découvrir de la ville de Montréal pour son 375e. La même chose, en pré-promotion, on pourrait très bien faire l'application mobile Tigidou sur la ville de Montréal. Alors, la ville de Montréal pourrait s'en servir très bien comme outil promotionnel quand ils font de la représentation à l'étranger pour inviter les touristes à venir nous voir lors de l'anniversaire en 2017. J'ai essayé tout seul l'application, la démo, toi aussi, Jean-François. Oui. L'as-tu essayé à plusieurs? Non, mais non, je suis tout seul. OK. À plusieurs, est-ce qu'on doit se prêter le téléphone? Oui. C'est sûr que le développement pour avoir... chacun ses questions. Oui, puis là, on rentre dans plusieurs autres dizaines, voire centaines de milliers de dollars en développement, ce que notre budget ne nous permet pas. On espère, hein, c'est mais le sûr. Game Center, quand même, il est bien fait. Par exemple, chez Apple, il y aurait moyen... Il y aurait moyen de l'intégrer au Game Center. Au Game Center, le jeu, parce que j'ai un jeu de crib que je joue avec mon téléphone qui utilise Game Center et je joue avec n'importe qui sur Internet. Là. Fait que ça doit pas être très compliqué à intégrer. Ça pourrait être une piste intéressante. C'est ça, c'est dans Xcode, ça sera à voir avec votre développeur, mais je pense que Game Center, ça serait pour la version iPhone, je parle, là, pour Android, oubliez ça. Mais la version iPhone, il y a la version Game Center qu'on vous pourriez peut-être vérifier avec votre programmeur. Merci pour l'information. C'est sûr que là, moi, ce que tu dis là, pour moi, c'est un peu chinois, là. Oui. Non, mais juste rapporter ces mots-là dans cet ordre-là à votre développeur, puis ça devrait... L'entrevue est enregistrée. C'est sûr que je vais envoyer le lien, le podcast à mon concepteur, bien sûr. Combien de téléchargements vous avez à ce jour, grosso modo? Un peu moins de 1000. Même, OK. Okay. Ben, un peu moins de 1000. Donnez à claque, les gars. Là, vous êtes puissants à télécharger, à écouter le podcast. Là, vous êtes capables d'aller chercher ça. Il y a des bonnes questions. Il y a des questions que... Okay, tu sais, ça joue vraiment du... Comme tu vas en parler, là, mais... Moi, cette semaine, en fait, là, il y a eu un article qui date du 4 novembre. Le 4 novembre, c'est passé des affaires cette journée-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais le 4 novembre, pendant la journée, il y a eu un article qui était le quiz Crop la presse. Et c'est un article, en fait, qui disait « Sommes-nous cultivés? » Tu l'as sûrement vu passer dans ton Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est correct. Correct. Tu parles sur le bout, faut que tu parles en non, non, je parle, okay. C'est correct. Sur donc, mon Facebook, non. T'as pas vu passer sur ton Facebook? En fait, c'était un questionnaire qu'il y avait. Je me souviens plus exactement combien il y avait de questions. Moi, je les ai toutes faites. À la fin, j'ai eu 67 %. Oh, bravo. Et on me disait que j'étais dans le premier percentile ou quelque chose comme ça. J'ai vu du monde qui ont eu 70, puis j'ai vu du monde qui ont eu 85. Des nerds à l'école, probablement. Mais moi, en fait, je suis allé dans des écoles privées. J'ai participé à des tournois de... En fait, non, je me suis pratiqué avec des équipes de génie en herbe, mais je n'étais pas assez bon pour qu'ils m'amènent en tournoi. Mais ça a toujours été un peu mon dada, la culture générale. J'ai toujours trouvé ça important. Et de moins en moins, avec bon, différents cours qui ont été évincés de l'école, entre autres le cours d'histoire qui n'existe plus à l'école, on a un peu moins de cette culture-là et on le voit avec cet article-là. Donc, est-ce qu'il y a, en fait, c'est un truc pédagogique, mais est-ce qu'il y avait cette espèce d'objectif-là de pousser? Est-ce que c'est quelque chose qui est votre dada à vous, la culture générale? Tout à fait. La culture générale, selon moi, pour moi, c'est la façon de comprendre le monde dans lequel on vit. Mm-hmm. Alors, plus notre culture générale est développée, plus ça nous permet de faire des liens, de comprendre les différents liens qu'il y a, par exemple, au niveau historique, politique, de la santé. Parce que, comme on dit, tout est dans tout. Hein? Mm. Alors, à un moment donné, tout s'entremêle, tout se relie. Donc voilà, moi c'est par dada, en tout cas je vais sûrement rejoindre plusieurs personnes, moi petite au chalet, les journées de pluie, j'ai joué aux cartes, j'ai joué à des jeux de société, les jeux questionnaires, à l'époque, bon je suis plus vieille que vous autres je pense, là. À l'époque Internet ça n'existait pas. Alors moi, les jeux de société, passer les dimanches après-midi à jouer aux cartes, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Alors j'ai toujours développé cette curiosité-là, j'ai un appétit de connaissance, je suis curieuse. Les jeux questionnaires, même encore, il y en a à la télé, puis j'en manque quasiment pas un. C'est sûr, je me trouve bonne, mais ça vient avec... C'est comme le pourquoi, hein? Ça vient avec la pratique. Dans l'attente de Jeopardy, moi j'écoutais ça. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est ça. Alors c'est pour ceux qui aiment les jeux pour se divertir, puis excusez-moi l'expression, mais faire un brain dead moment, Tigidou, c'est pas pour eux. Par contre, pour des gens, je qualifie quand même Tigidou comme un jeu intelligent, c'est-à-dire ça fait appel à notre connaissance, notre mémoire, notre vitesse aussi, puis notre stratégie. Je trouve que c'est un jeu intelligent qu'on apprend. Sinon, on s'aperçoit qu'on sait pas grand-chose, mais c'est un outil pour apprendre. C'est également un outil pour apprendre une autre langue et bientôt plusieurs autres, je l'espère. Donc, voilà, tous ceux qui aiment les jeux questionnaires, c'est un jeu pour eux. Excellent. Est-ce qu'on risque de voir plusieurs nouveaux modules? Il y en a 8 actuellement. Les huit modules? Attendez, là. De mémoire, l'application mobile, on a Sport professionnel, Canada, Capitale du monde, Monde animal, Corps humain, Presidents of the United States, les présidents des États-Unis. Vous comprendrez que pour rentabiliser le jeu... On essaye de le vendre aux États-Unis, oui. J'ai fait exprès pour faire des jeux exprès pour eux. Donc, président des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, mais au niveau géographique où on apprend toutes les capitales. Et maintenant, j'essaie d'aller chercher des gens d'Amérique latine. Le dernier que j'ai recherché, mais qui est dans l'application mobile, c'est géographie des Amériques. OK. Alors, ça va de la terre de Baffin à la terre de feu. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour répondre à votre question... Comme je disais, le développement, c'est d'ajouter des langues, mais également d'ajouter des sujets. Moi, c'est illimité ce que je peux faire. Oui. Alors, mon rêve, ça serait d'en vivre assez pour, écoutez, faire 50, 100, 200, 300 sujets. Là. Et plus il y aura de sujets, plus quand vous achèterez Tigidou, plus vous aurez différentes questions de différents sujets pour apprendre encore plus. Le jeu contient combien de questions en tout avec tous les modules? 8 modules, 52 questions. 416. Pour le moment, okay. Oui. 416, okay. Oui. Okay. Excellent. Ben, je pense que ça fait le tour. J'espère que les gens qui nous écoutent vont jeter un coup d'œil à l'application. Quand même 15 personnes qui ont fait un review sur l'application et 15 personnes sur 5 étoiles. Bon. L'application. Excellent. Merci, oui. Et j'invite les gens qui ont des doutes ou qui ne connaissent pas à aller sur mon site web, québecamuse.com. Je l'appelle K-E-B-E-K-A-M-U-S-E. La raison pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est que le mot Québec, comme le premier jeu que j'ai fait, c'était sur l'histoire de Québec. Québec, la première façon dont il s'est épelé, c'était comme ça. C'était avec donc, des cas. Il n'y avait pas le QU dans... Donc, québecamuse.com, je vous invite à aller voir les différentes évaluations que j'ai reçues de plusieurs sites aux États-Unis, entre autres. Nul n'est prophète dans son pays. Hein? Mm. Alors, bien voilà. Et je tiens aussi à souligner que Tiguidou a remporté le magnifique prix Mérite du français dans les TI, jeux et divertissements de l'Office québécois de langue française en mars dernier. Donc, moi, je considère que c'est un prix prestigieux quand je compare les finalistes qui étaient avec moi, c'est-à-dire des gens de Bureau en gros, de Banque nationale, de la Ville de Québec. Tu sais, j'étais en finale contre des gros qui ont des grosses... C'était David contre Goliath. Oui, exactement, ouais. Exactement. Alors, c'est d'autant plus gratifiant pour moi, ce prix-là. Donc, sachez que toutes les questions, il ne devrait pas avoir d'erreur de français. Excellent. Alors, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre invitation. J'invite les gens à jouer à Tiguidou. Puis le temps des fêtes s'en vient, jouer en gang avec votre téléviseur. Ouais, c'est Tiguidou, ouais. Ça. C'est Tiguidou. Merci beaucoup, Franz. Merci à vous. Merci. Parfait. Au revoir. La suite des nouvelles et Jean-Michel qui nous revient. La Pomme. Le podcast. Vous revient dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast La Pomme par courriel info@lapom.me, par Twitter @lapom_me, sur Facebook facebook.com/lapommepodcast et sur le web lapom.me. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. De retour à La Pomme, 5, le 4, podcast. 3. Eh bien, messieurs, on est de retour après cette entrevue. On répète à tout le monde que vous pouvez aller chercher l'application Tiguidou gratuitement sur le App Store, mais là, c'est le temps des nouvelles. Et en fait, c'est une émission tout en Microsoft cette semaine qu'on vous propose parce que les trois premières nouvelles sont à propos de Microsoft, mais vous comprendrez toujours... toujours avec la twist Apple. Donc, le 4 novembre au soir, parce qu'on ne peut plus dire le 4 novembre, on dit le 4 novembre. Tu savais ça, Jean-Michel? Pourquoi? C'est à cause de Jean Chrétien, il y a quelques années, le 5 novembre, mais qui s'est repris rapidement, mais il avait déjà commencé sa phrase, puis c'était le jour des élections, donc on dit le 4 novembre. Et parlant d'élections, en fait, à CNN, la soirée des élections, les panélistes étaient équipés de Surface, qui avait été commandité par Microsoft. Le problème, c'est qu'il y a des shots de caméra qui montraient les panélistes en arrière, puis les gars étaient soit sur leur iPad, soit ils ont carrément accoté leur iPad sur la surface. Fait que, encore un très mauvais placement de produit pour Microsoft. C'est sûr que si eux ont utilisé l'iPad puis qu'on leur donne tout de suite un Surface sans les former, c'est pas l'idéal. La Surface, t'as pas besoin de former quelqu'un sur une Surface, là. C'est un ordinateur, c'est Windows. Oui, c'est vrai. Elle fonctionne très bien, la tablette. Oui, c'est le concurrent du MacBook Air. Le Microsoft veut que la Surface 3 soit le concurrent direct du MacBook Air à 1000$ chez Apple. Oui. Très belle machine, sauf que c'est ça. T'sais, c'est parce que le monde... C'est dur de faire enlever la mentalité d'une personne. T'sais, le monde sont tellement... T'sais, Apple, ils sont tellement forts dans leur marketing que leur iPad, là, ça reste un iPad. Là. Oui. Je veux dire, que tu n'aies un, peut-être une Surface, que peut-être une tablette Android. Le monde, les chiffres, par contre, du iPad, et ça, ce sont des chiffres avant que le iPhone 6 nécessairement arrive, mais ça fait quelques quarts qu'on voit la tablette se vendre de moins en moins. C'est normal aussi. Tu changeras pas une tablette à tous les ans, je pense. Là. C'est pas tout le monde qui va investir 400 non, non, non, non, pas autant que nous autres. C'est ça. Ben, je parle pas juste nous autres, mais je parle de monsieur, madame, tout le monde. Je pense pas qu'ils vont changer une tablette à tous les ans. Eux autres, ils ont pas. C'est pas tout le monde. Là. Surtout en entreprise, là, t'as pas besoin d'un. Les entreprises vont investir une fois. Pour exactement. Acheter ça, t'as pas besoin de faire ça. Là, exactement. Le monde va acheter l'iPad Air tout court, mais ils n'achèteront pas l'iPad Air 2 parce qu'ils ont la version A8X du support. Les gens qui mettent à niveau à chaque année, c'est vraiment les consommateurs. Là. C'est pas exactement. Les entreprises. Là. Exactement. L'entreprise, ils s'en foutent là, que l'iPad Air puisse lire les empreintes digitales. Maintenant, ils ne changeront pas leur parc de 1500 iPads là, juste pour pouvoir configurer Touch ID. Ben oui, c'est ça. Par contre, tu l'as dit, le iPad, pas le iPad, mais le Surface est mis de l'avant contre le MacBook Air. Ouais. Microsoft a fait une publicité pour le Windows Pro, je pense. Windows comment il l'appelle? Là. Windows 8. Ouais. Mais dans une tablette ou de Lenovo, si je me trompe pas. Donc, il y a une publicité qui est sortie pour une tablette Lenovo, puis ils veulent vraiment taper sur ce clou-là de leur tablette à eux autres. C'est tout intégré. T'as le système d'exploitation au complet. Ben, c'est tout intégré. Ils sacent Windows là-dedans, mais c'est pas du tout optimisé pour une tablette parce que c'est le même système d'exploitation qui roule sur un ordinateur. Exactement. Ou sur un en fait, c'est le contraire. C'est optimisé pour une tablette, mais ce ne l'est plus pour l'ordinateur. Parce que le Windows 8, tu as envie de toucher les espèces de carrés, les cases qu'ils font. Ça se fait très bien sur la tablette, mais dès que tu arrives dans le bureau normal, là, c'est une utilisation standard. Puis de ce côté-là, c'est vrai que c'est pas optimisé. Tu sais, comme, t'ouvres tes menus, t'es fermes. Mais ça va l'être, dans Windows 10. Dans Windows 10, ça va être... Windows 10. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais de Microsoft, on parlerait beaucoup de Microsoft. Aujourd'hui, j'ai vu passer sur Twitter qu'il y a un Chinois en Chine qui a été capable d'installer Windows 95 sur un iPhone 6 Plus. C'est vrai? Oui. La recette est sur Internet. Là, vous tapez ça, là, Windows 95 sur Windows iPhone 6 Plus. C'est une bonne version, Windows 95? Ou c'est la mauvaise version? C'est une bonne version. Une bonne version, c'est vrai. Ça a été 98, la mauvaise version. Après, c'est la première fois où on a vu la menu démarrer. Exactement. Dans Windows 95. Ah ouais, on s'en souvient tous, la pub de... Start Me Up, ouais, exactement. Avec la chanson de Rolling Stones. Ouais, ça a fait un hit ça, quand Windows 95 est arrivé. Effectivement. Continuons à parler, en fait, Maxime Tremblay va être très content de l'épée légendaire. On continue à parler de Microsoft. Les applications Office pour iPad sont devenues gratuites cette semaine et ils ont signé, en fait, quelque chose qui, d'après moi, est très, très, très intéressant. Il y a une intégration avec Dropbox maintenant des applications iPad. Donc, aujourd'hui même, j'avais quelqu'un qui me demandait comment transférer facilement mes informations entre mon ordinateur et mon iPad. La personne n'était pas encore avec 10.10, ce qui aurait permis de le faire avec Yosemite, avec les applications Page, tout ça. Mais elle avait Word sur son ordinateur. On a installé Dropbox et on lui a fait télécharger Word pour son iPad. Et là, à ce moment-là, elle va avoir l'intégration avec Dropbox qui va être là. Donc, c'est pas mal intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à utiliser Word pour leur texte, pour leur mise en page. Mais l'intégration avec Dropbox va... C'est un bon move de la part de Microsoft, mais en même temps, ça dit que leur propre solution de cloud à eux ouais, a peut-être la difficulté. Il aurait pu dire que c'était uniquement OneDrive, là, par exemple. Exactement. C'est ça. Mais oui, c'est ça, parce que ça, j'ai trouvé bizarre aussi, parce que là, ils viennent-tu tuer leur cloud à eux autres en faisant ça? Ben, pas nécessairement, mais ils s'obligent pas à être obligés de tout refaire, tu sais, comme OneDrive sur iPad, c'est pas la meilleure intégration possible, alors que Dropbox, ben tu sais, c'est dans beaucoup d'applications, c'est déjà connecté à beaucoup de choses. Donc, en faisant ça, ben, il rentrait dans le train. Mm-hmm. Puis, c'est aussi que il faisait que les utilisateurs de Word ou de Dropbox, tu sais, c'est du monde de Apple, là, fait que Word, il touche le moins possible, mais Dropbox s'est adopté comme système. Donc, il allait chercher tous ces gens-là, puis il faisait que ces gens-là n'avaient pas à stresser, à être obligés d'utiliser OneDrive. Donc, quand même un bon move de la part de Microsoft, il faut le dire. Je ne les ai pas utilisés, les applications Word sur iPad. Si vous l'avez fait, vous pouvez peut-être nous donner vos impressions. Est-ce que toutes les fonctionnalités sont là? Est-ce que c'est les fonctionnalités importantes? Est-ce qu'il y en a qui sont manquantes? On peut imprimer, par exemple. On peut imprimer? Oh, oui. Ah, c'est bon, ça. En fonction imprimé, là, tu sais. Mais on ne peut pas imprimer sur une surface, je pense. Non, on ne pouvait pas imprimer sur une surface. Et en fait, ben c'est ça. En fait, les applications sont devenues gratuites parce que avant, pour avoir droit aux applications sur iPad, il fallait absolument souscrire à Office 365. Donc, le Microsoft fait un peu marche arrière de ce côté-là en disant ben il est encore là, il est encore intégré, tu peux encore te connecter avec ton compte Office 365 dedans. Puis ça va utiliser. Il n'y a pas vraiment d'avantage pour un utilisateur. Il n'y a pas d'avantage à avoir Office 365. Exactement. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage à avoir. Bien, il y en a eu quand même un petit cette semaine. C'est-à-dire que les gens qui étaient membres de Office 365, et qu'il y a différentes licences, là. Il y a des licences corporatives, des licences individuelles à 6,99, ouais. Tout ça. Ceux qui avaient les licences nécessaires, là, assez hautes, probablement pas celles à 6,99, ont eu une nouvelle version de Outlook cette semaine qui s'appelle simplement Outlook pour Mac. C'est une version qui remplace le Outlook jaune qui avait été développé là, suite à Entourage, et ça reprend en fait tous les concepts de Outlook pour PC. Donc, ça rajoute quelques fonctionnalités. Est-ce que le Exchange fonctionne total? Le Exchange fonctionne total, effectivement. C'est vraiment la seule fonctionnalité exiger que quelqu'un utilise Outlook, quelqu'un que son email de compagnie est avec exactement. Exchange. C'est la seule affaire que version Outlook pour Mac, ça serait ça, c'est surtout Exchange. Pour le calendrier, exact. Pour les messages aussi, des fonctionnalités avancées d'Exchange. T'as-tu vérifié s'ils ont changé leur fichier de... Tu sais, parce qu'il y a un problème avec les avec Time Machine, j'ai pas eu le temps de regarder ça, mais sur PC, ça fonctionne de la même manière, c'est une base de données dans laquelle tout est là. Donc, cette problématique-là dont on parle, c'est que Time Machine fait une vérification aux heures de l'ordinateur et fait un backup des fichiers qui ont changé dans l'ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'il est capable de vérifier la bibliothèque iPhoto et juste de backupper, par exemple, les photos qui ont été rajoutées. Mm. Même chose avec iTunes ou les autres fichiers de l'ordinateur. Le problème avec l'utilisation de Outlook sur Mac, c'est que en fait, sur Mac, sur PC, sur ça n'existe juste pas. Là. Donc, c'est que comme c'est une grosse base de données, ben c'est un fichier. C'est un fichier. Time Machine n'est pas capable d'aller à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce qui a changé dans cette base de données-là. Ce qui fait que quand Time Machine passe dessus, il fait ça a changé, il y a 15 gigs de email, ben je te backup 15 gigs de email. Puis ça prend du temps. Ça prend assez de temps que ça pourrait comme arriver. Tu sais, ça pourrait passer le une heure de backup. Puis ça. En tout cas, Time Machine capote à ce moment-là. Donc, c'est deux trucs qui font pas bon ménage. Et habituellement, des gens qui vont s'occuper d'un parc informatique vont essayer de rester loin de Outlook. Je pense pas que ça règle la problématique, mais ça la règle avec le Exchange. Parce que tu peux pas régler le problème de Outlook et de Mail sur une version Mac, parce que la version Mail a pas Exchange intégré comme Outlook a sur PC. Fait que le celui qui s'occupe du parc informatique est fourré des deux bords, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, il peut pas utiliser Outlook s'il faut qu'il fasse un backup, parce que si la compagnie reçoit... C'est ActiveSync. Mail fonctionne avec ActiveSync. Mais c'est pas Exchange qu'on connaît sur PC qui a toutes les fonctionnalités inimaginables. Fait que, si mettons, la compagnie transfère, comme tu disais, 15 gigs de courriel, à chaque ordinateur qu'un poste, tabarnouche, watch out, là, les backups, là, c'est long, là. Fait que ça c'est pour ça qu'il y a des solutions comme Kerio Server ou des trucs comme ça. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Là. C'est solide, mais bon, c'est pas l'idéal. Ben moi, j'ai une nouvelle que vous n'avez pas ajoutée. Ben, vous continuez, faites l'autre. Parfait. En fait, cette semaine, on apprenait, c'est le Electronic Frontier Foundation qui faisait la liste, en fait, des messageries instantanées et qui a annoncé que iMessage, le Electronic Frontier Foundation, c'est une fondation qui est dédiée au respect de la liberté d'expression sur Internet et du respect de la vie privée. Et en fait, ils ont annoncé que iMessage était l'une et FaceTime était l'une des messageries qui respectait le plus. Et là, il faut faire... en fait, ils en ont testé mal. Ils ont tout testé, mais il faut sortir le tableau qu'ils ont... C'est ça. Il y a un tableau qui est disponible sur Internet. On le mettra en note de podcast. Il y a certaines messageries qui avaient les 7 critères. iMessage et FaceTime en avaient 6. Et là, il y a d'autres messageries là, connues qui en avaient beaucoup moins que ça, entre autres Google. Le truc, par contre, c'est que iMessage, c'est une messagerie grand public, alors que les solutions qui fonctionnaient, qui avaient les 7 critères, c'était des messageries spécialisées. Là, donc, il faut aller le chercher. C'est souvent un service auquel il faut souscrire, tout ça. Donc, c'est des coûts additionnels, mais c'est quand même intéressant de savoir que Apple respecte quand même. Puis tout ce débat-là est très, très difficile parce que certaines personnes vont dire « ben moi, j'aime mieux Android contre Apple parce que le système d'exploitation est plus ouvert chez Android. » Il y en a d'autres qui vont dire « moi, je suis plus de cette théorie-là. » Il y en a d'autres qui vont dire « ben le système est peut-être plus fermé chez Apple, sauf que ce qui leur donne leur pain et leur beurre, ce qu'ils te vendent, ben c'est un téléphone avec un système d'exploitation, alors que Google, c'est pas ça qu'ils te vendent. Ce qu'ils te vendent, c'est un produit qu'ils mettent dans tes mains, destiné à en savoir plus sur toi et de cette façon-là pouvoir le partager. C'est-à-dire que le gouvernement reçoit déjà de l'information de Google, il y a déjà, tu sais, la NSA et tout ça. Bon. Là, à l'heure actuelle, la NSA, on ne sait pas qui est capable d'écouter qui. On estime qu'ils sont capables d'écouter tout le monde, mais il y a certains papiers qui sont sortis dans la dernière année qui nous disent qu'Apple sont les derniers à avoir accepté de rentrer dans l'espèce de game. Puis, à chaque année, on entend en fait les gens, soit du FBI ou de la NSA, dire qu'ils ne sont pas super contents du mode d'encryption utilisé par Apple ou des trucs comme ça, parce que ça rend leur job le plus difficile. Non, mais exactement. C'est correct. Nous autres, on trouve ça correct que votre job soit plus tough. C'est comme le BBM. C'est comme BlackBerry Messenger aussi. Il est très dur. Là. Le système d'encryption, il est très dur. Oui, là. Mais il était moins sécuritaire ce test-là. Oui, en tout c'est cas. Ça. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui a accès au BBM, là. Fait que faut vraiment que tu appelles chez RIM, puis mettons les policiers ou ils font des enquêtes, whatever. Mm-hmm. Appelles chez RIM pour avoir la. Oui, ben c'est pas mal ça partout. Mais quand même, il y en a que c'est un petit peu plus difficile, oui. Ouais. Cette semaine, on apprenait, en fait, il y a un malware qui a été trouvé sur les iPhones. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais le malware utilise une faille dans le protocole USB qui lui permettrait de passer de l'ordinateur au téléphone. Pour pouvoir attraper ce virus-là, ben il faut faire plusieurs choses. D'abord, c'est en Chine parce que le réseau est fermé. C'est ça, le réseau est fermé et le site sur lequel on attrapait ce virus-là, c'est un site chinois. Fait qu'à moins de parler le mandarin, puis de bon. Deuxièmement, finalement, à moins de se forcer, ici au Canada, on n'a pas de chance. Exactement. Ben non, c'est ça. Parce que faut que tu ailles sur ce site-là, qui est un dépositaire alternatif pour aller chercher des applications illégales. Donc, on installe un certificat, on télécharge une application. Bon. Monsieur, madame, tout le monde ne savent même pas c'est quoi. Non, c'est ça. Certificat, tu sais, c'est comme... Donc, si c'est vous êtes chinois... Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, s'ils tombent sur ce site-là, ils vont l'installer sans se poser d'autres questions, mais quand même. Donc, si vous êtes chinois, que vous n'avez aucun respect pour les droits d'auteur, que vous synchronisez encore votre iPhone avec un fil USB sur votre ordinateur, au lieu de juste le connecter dans le mur, ben votre iPhone est peut-être contaminé par le malware. Le lien pour l'article sera donné dans les notes du podcast, là, mais... T'sais, la journée où est-ce que c'est sorti, tout le monde est devenu fou. Ben ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Le iPhone est plus sécuritaire. Ben ouais, t'as une minute, là. Parce que tout ce qui est branché USB, il y a une faille dans le USB qu'on connaît de nos jours. Il y a une faille que tout le monde peut... c'est pas sécuritaire, le USB. Il y a une faille dans le USB que tout le monde peut avoir accès aux choses. Mais faut-tu le prendre un petit virus, là? T'sais, je veux dire... Mais c'est comme de dire un savant fou a fait un virus qui va attaquer les blonds aux cheveux longs, aux yeux bleus, qui parlent un peu trop fort puis qui n'ont plus de poids, tu sais. Ben, s'il y a moi qui va mourir puis deux, trois autres, exactement, c'est tout. Exactement, tu vas pas voir tout le monde tomber à terre, là. Non, tu vas avoir moi puis le chanteur de Yellow Molo, genre. Effectivement, oui. Quoi? Je voulais plugger le chanteur de Yellow Molo. J'avais une nouvelle que vous n'avez pas marquée. Apple ont sorti, je pense que c'est dimanche soir que je vous ai envoyé le petit message. Le lien, oui. Le lien. Le problème que le monde avait avant, c'est que si, mettons, vous changez de téléphone, mettons, vous aviez un iPhone, vous étiez connecté à iMessage et que vous changez de téléphone, mettons, vous allez sur un Android, un Windows, un BlackBerry, name it. Le problème qu'il y avait, c'est que votre numéro de téléphone était encore synchronisé chez Apple pour un iMessage. Oui. Et il n'y avait pas moyen de dire à ce numéro-là, ben là, je débarque de là. Débarque de là parce que je veux recevoir mes SMS, parce que là, ça ne marche plus, parce que là... Ce qui fait qu'à l'autre bout, ton téléphone Android, par toutes les personnes qui t'envoyaient des messages et qui étaient, eux, sur des produits Apple, ben comme le téléphone était dans iCloud... Quand tu envoyais le message, ben ton téléphone vérifiait. Ce numéro de téléphone-là est dans iCloud, donc j'envoie un message et il ne se rend nulle part parce que le protocole fait pas suivre le iMessage sur ta nouvelle plateforme. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'Apple a fait pour régler ça? Puis ça a pris quand même un bout. Ça date de 2011. Là. Oui. On s'entend-tu? Là, c'est 3 ans. Là. Ça a pris 3 ans à Apple à développer un petit site QQ. OK, j'ai jamais vu un site LED même, là, que tu rentres ton numéro de téléphone, tu payes sur Send, et là, Apple vont t'envoyer un SMS avec un code que tu vas rentrer sur la page, puis là, il va dire après, OK, là, tu vas dans... C'est un processus en tant d'étapes que ça. Parce qu'après, il faut que tu aies fermé ton iMessage dans ton téléphone, puis après, tu peux switcher sur ton nouveau téléphone. Mais la personne qui ne sait pas, elle l'a déjà vendu son téléphone. Fait qu'elle est fourrée d'un bord, tiens. Ah oui. Fait que c'est... Mais sauf que. Mais en même temps, ça fait 3 ans que Apple n'a pas proposé de solution à un problème. Tu sais, oui, on en a entendu parler, là, on le savait, mais qui est tellement pas commun. Ben non. Qu'ils ont pu passer 3 ans à pas offrir un truc t'sais. Aux gens qui switchaient d'un iPhone à Android. Parce que ça arrive tellement pas assez souvent. c'est quand même intéressant parce qu'il y a du monde qui peuvent effectivement avoir des problèmes. Si par exemple, je sais pas, je pense entre autres aux technophiles ou à d'autres gens qui testent des téléphones puis qui vont peut-être basculer de l'un à l'autre. À un moment donné, c'est important là, de pouvoir faire ça. Mais bon, c'était... Donc, c'est quoi l'adresse du site ou de l'outil? Dieu. Attendez un peu, là. C'est selfserve.apple.... Selfserve, je crois. Selfserve? Je l'avais envoyé à qui, là? Dans quelle conversation? Ah oui, c'est ça. C'est https://selfserve.apple.com/deregistered-imessage. Je vais le mettre dans les notes du show. Excellent. Puis vous arrivez là-dessus, vous arrivez sur un site bien cucu avec rentrer votre pays et votre numéro de téléphone et votre ils vous disent comment faire. By the way, je voudrais je vois le message en dessous du l'autre message que je vous avais envoyé en fin de semaine aussi. J'ai reçu ma facture de Roger. Oui. Ma première facture data only. Et ça me coûte pour 45$. 45,99 pour le mois passé juste en data. Et 3,5 gigs d'utilisation sur 5 gigs. Ouais, j'ai pris 3,5 gigs sur 5 gigs du mois passé. Fait que ça me coûte 46$, à part mon VOIP.ms qui doit me coûter... 1,40 peut-être? Genre, là, parce que... le numéro de téléphone. Ben oui, parce que j'utilise pas mon téléphone, tu sais. C'est ça. Là, l'affaire, c'est que je vais réécrire à Grand Wire, parce que là, il est pas encore optimisé pour... iPhone 6. On peut toujours pas aller voir ton historique. Non, et des fois, le micro coupe, tu sais, des fois, le son est pas bon, tu sais, fait que faudrait... Brian a été mis à jour cette semaine. Oui, Brian, j'ai reçu une mise à jour, moi aussi. J'ai reçu une mise à jour pour l'iPhone 6, pour une nouvelle mise à jour pour iOS 8 aussi. Je pense que je vais demander un si... Après la réponse qu'ils vont me donner, s'ils ne me donnent pas une bonne réponse satisfaisante pour moi, je vais demander un remboursement sur le store de mon application GrandWire en disant que mais là, l'application n'est pas mise à jour pour iOS 8. C'est pas juste que ça prend pas... toi, tu n'as pas d'iPhone 6, tu peux même pas dire que ça prend pas de ton écran. Non, c'est des fonctionnalités qui fonctionnent... De base, plus, là. Ça marche plus, ouais. Oh, c'est ça. Fait que... Après, je vais peut-être changer. Je vais peut-être te retourner à Brian. Mettons. Le seul Sauf que le seul problème, j'aurais pas mes appels en push notification. Mais je m'en fous parce que j'utilise. Ça va juste te prendre à peine un peu plus de batterie. Ben c'est ça. Je sais pas. On devrait peut-être communiquer avec Yann Thériault. Yann, il était diffusé sur une plateforme pour les trackers. Je me souviens plus. Il était diffusé comme une espèce de radio spéciale, mais faite pour les truckers. Parce que quand tu traverses les États-Unis, je pense que tu veux pas nécessairement te faire couper au. Tu sais, comme t'avances, puis là, ta radio, elle arrête pas de changer, puis t'es obligé de te chercher des postes. Ouais. Parce que, ben, je vais te dire, je vais vous dire pourquoi. Cette semaine, on est allé tout reporter leur espèce de quincaillerie de marde à Vidéotron, parce qu'on a décidé de débarrasser et de couper le câble parce qu'on n'a plus de besoin, puis tout ça. Parce que, c'est ma prochaine affaire, ça. Ouais. Puis, donc, couper le câble, puis là, comme on coupait le câble, ben, il augmentait notre Internet. Fait que là, c'est ma blonde qui a dealé avec, puis elle a dit, vous me faites chier, vous voulez me charger 30$ de plus parce que je décide de couper un service, ben vous n'aurez pas une de mes esticènes. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et donc, on est allé avec Distributel. Fait qu'on est allé leur porter leur stock, et quand j'étais dans le magasin, il y a un gars qui est rentré, qui parlait à un autre vendeur, ça l'a attiré mon oreille, et ça a l'air qu'ils se parlent entre eux autres, au CB ou des trucs comme ça, et lui cherchait un téléphone qui était Canada, États-Unis, puis qu'il n'y avait pas de frais d'itinérance. Mais ça n'existe pas, ça. Puis le gars chez Vidéotron, il a premièrement répondu qu'il y avait des frais d'itinérance en Ontario si vous voulez utiliser son téléphone. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la façon qu'il a répondu, j'étais comme, Chris, il est en train de répondre à sa question. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a pas dit ah, tu sais. Ce qu'il aurait dû dire, c'est dès que tu quittes ta zone, tu as des frais d'itinérance. Oui. Point final à la ligne. Paye ton intérêt. Oui, mais là. Si tu te fais dire ça, tu n'achèteras pas de téléphone. Exactement. Fait que c'est pas fait dire ça. Le gars, il a comme répété ce que le gars il a dit en omettant deux, trois mots qui font. En tout cas. Puis bon, on n'avait pas le temps. Je voulais rester là, attendre le gars dehors, pour faire comme hey, le grand, va lui demander une carte pour tablette. Là. Va pogner Roam Mobility, va pogner ci, puis tu vas voir, tu n'en auras pas de problème, puis tout ça. Mais on n'a pas eu le temps, mais ça serait le fun que ces gens-là... Il y a cette semaine, il y a Rogers qui a lancé une nouvelle option à 5$ par jour qui permet d'utiliser son forfait données et voix aux États-Unis. Ben OK. Ouais. C'est automatiquement, quand tu rentres aux États-Unis et que tu utilises ton téléphone, au lieu de te charger à l'utilisation, maintenant, ils te chargent 5$ par jour que tu utilises ton téléphone, mais c'est déduit sur ta balance de minutes et sur ta balance de données. T'sais. Comment fourrer le monde encore plus? Ben, c'est, dans un sens, c'est une pièce de plus que Roam Mobility. Ouais. T'as accès au même forfait, puis t'as pas à changer... ton numéro de téléphone. T'as pas à changer de numéro de téléphone, t'as pas à changer de carte SIM. pour une pièce de plus, je dis pas, c'est sûr que si tu vas passer un mois aux États-Unis, va avec Pro Mobility, ça va te coûter soit les 15$, soit 15 gigs de data. C'est ça, parce au, lieu, ça... au lieu de 150$. Au lieu de 150 megs pour 60$ chez Rogers. Ouais. Donc c'est ça. Donc si ça te dérange pas de perdre ton numéro de téléphone, moi ça me dérange pas en tout cas. C'est pratique, là, ça, mettons, tu y vas une journée là, de temps en temps aux États-Unis, puis ça te tente de continuer à aller sur Facebook quand t'attends douane, je sais pas trop quoi, là, mais... Ben oui, tu payes là, pour le fait que ça soit pratique. Parlant de Rogers, c'est très drôle. Ils ont sorti le NHL, Game Center Live. Ils le donnent à tout le monde, donc vous pouvez, pouvez en profiter si vous êtes avec, avec Rogers. La publicité est drôle parce que il y a personne qui a un chandail d'une équipe canadienne. C'est comme parce que tu peux pas écouter tes matchs mais à non, toi. Tu peux pas, mais non. Fait que t'sais, ils disent, vous êtes fan de hockey. Je pense que c'est avec Vincent Le Cavalier, en plus, l'annonce. Ouais. Puis là, c'est comme les Blackhawks de Chicago, puis trois autres équipes. Mais c'est des équipes pas d'ici. On est au Québec, là. Le monde d'ici va écouter le Canadien. Là. Oui, si ouais, Canadien... mais tu peux pas l'écouter, le Canadien, parce que c'est toujours diffusé. Sauf d'être en voyage à Vancouver. À moins que tu sois à Vancouver. Ou à moins que tu aies un VPN. Sauf Paul Hood, qui va bien apprécier. Mais même encore, si c'est un VPN, si t'as un VPN, puis le Canadien joue contre New York, tu pourras pas voir le Canadien, puis ton VPN est à New York. Il va falloir que tu changes de VPN, la ville de VPN, le temps de la partie. C'est ça, fait c'est pas. Yeah. C'est quoi, ça coûte 200$, ça? Je sens... Quelque chose de même, c'est assez cher. C'est cher, cher là. Plus, là. Oui. C'est sûr que là, t'as des statistiques en temps réel, mais même les statistiques, c'est gratuit, là, t'as même pas besoin de t'abonner. Ben non, tu télécharges, c'est ça. Tu télécharges un. Ouais, mais ça, il faut vraiment. Ça, c'est comme ceux qui payent 600$ pour s'abonner à NFL sans étiquette aux États-Unis. Là. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que t'aimes ça, là. Mais sinon, on parlait de Raw Mobility aussi. Oui! Qui, quand on active un forfait d'ici le 31 décembre de cette année, on reçoit 400 MB de data par jour au lieu de 300 MB. Ouh! 100 MB de plus. Ah, c'est ça. Non, mais 100 MB de plus pour le même prix. 100 MB de plus. Sur une semaine, c'est 700 MB de plus. Et voilà. Mais là, toi, tu t'en vas en vacances la semaine prochaine? Ah, le forfait est déjà acheté. OK. C'est ça. Fait que j'ai même plus à y penser. Le, fait que toi, à 3h du matin, la journée que je pars. Là, toi, t'as pris là, à 60? Oh, j'ai pris pour 9 jours, je pense. Ah, 9 jours. De data. Okay. Même si je vois juste 6 jours, là, je voulais plus de data. Donc, OK. Parce que c'est plus... maintenant, on choisit la durée du forfait. Là, c'est plus... Avant, il fallait combiner genre un bloc de 5 jours puis un bloc de 3 jours. Mm-hmm. Puis on avait pour 5 jours de data et pour 3 jours de data qu'on pouvait pas combiner. Mais maintenant, notre data est sur le nombre de jours qu'on veut. Fait qu'on paye un peu en fonction du nombre de data qu'on veut parce que les minutes sont illimitées, les messages textes sont illimités. OK. Fait que là, la puce, est-tu LTE maintenant? Oui, oui. Fait que je m'en vais à Orlando. Puis Orlando, c'est une ville LTE. Donc, je vais pouvoir essayer le réseau LTE pour la première fois. Bon, mais tu nous enverras du screenshot pour voir plus avec ton iPhone 6. Je vais faire des speed tests, toi. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'on a fait l'autre jour aussi dans Schlagan. Des speed tests à New York à l'aéroport. Je vais faire un speed test à Orlando aussi. Ouais. New York, je le sais que c'était déjà rapide quand j'y avais été l'été passé. C'était le réseau 4G, c'était quand même rapide. Mais Raw Mobility n'était pas compatible avec le LTE encore. Là, donc, je ne sais pas. Excellent. Eh bien, avez-vous d'autres nouvelles? Avez-vous? Non, non, c'était une petite semaine. On a quand même parlé longtemps, là, mais il n'y avait pas grand-chose du côté d'Apple. Qui est sorti du garde-robe. C'est ça. Ben il y a eu les... Même encore, ça l'a passé. Ça a passé dans le beurre. Là, on savait tous. Là, Ben il y a les Russes qui en fait, il y a suite à ça, il y a eu comme une rumeur comme quoi les Russes allaient arrêter de vendre le iPhone 6, mais c'était pas fondé là, c'était pas vrai là, tu sais, parce qu'il y a des grosses lois anti-homosexuelles là-bas là, donc en tout cas, c'était pas vrai. On passe à une petite publicité, on revient avec les découvertes de la semaine. Ça va être un petit show cette semaine, les gars. La pomme, le podcast. Vous revient dans un moment. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 ou Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. De retour à La Pomme, le podcast. Mac Québec, le diffuseur officiel de La Pomme, est une communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec, un endroit sur le web où vous pouvez suivre l'actualité Apple et découvrir des talents locaux. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, profitez des avantages de collaborer à l'évolution de la communauté au moyen d'articles, de vidéos, de podcasts ou de concours. Visitez www.macquebec.com pour en savoir plus. Bienvenue aux Découvertes, où est-ce qu'on vous parle en fait des petites choses qu'on a trouvées d'intéressantes pendant les deux dernières semaines. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, deux petits produits en fait assez intéressants. J'étais en train de regarder au niveau de mes applications que j'ai téléchargées récemment. Dans un premier temps, en fait, je voulais vous parler de Nova Wireless Bluetooth Flash. Donc, c'est un produit qui est en vente actuellement dans les Apple Store et on le sait, en fait, peut-être qu'actuellement, vous nous voyez moins bien que les derniers podcasts qu'on a fait parce qu'on n'a pas activé la luminosité qu'on a ici. Donc, quand on prend des photos ou qu'on fait des vidéos, c'est très important d'avoir de la bonne lumière. C'est comme ça que votre appareil va être capable d'en avoir le plus et de faire des belles photos. Donc, le Nova Wireless Bluetooth Flash, ben, c'est exactement ce que c'est. C'est un flash, donc c'est quelques LED dans un boîtier qui se connecte avec votre téléphone en Bluetooth. Et quand vous prenez une photo, ben, il se déclenche. C'est 59$ et ben, c'est exactement ça. Là. C'est un meilleur flash que la petite lumière aveuglante que vous avez derrière votre téléphone. On s'entend, quand on est rendu à vouloir prendre des photos avec un flash, là, Tu prends une vraie caméra. Non, tu es dans un party puis c'est sombre et tout ça, mais tu veux prendre des photos sans... Parce que, écoute, c'est gros comment? Là, tu fais avec. C'est un petit carré. C'est gros comme un paquet de cigarettes. C'est quand même intéressant. Fait que là, t'es là, mettons, t'as ton téléphone, t'as ton petit flash. Tu fais ça de même, tu prends ta photo, lui, il part en même temps. Puis il fait la photo en même temps que... OK, fait que si c'est gros comme ça, ouais. Puis un appareil photo de nos jours, c'est gros comment? Mais un appareil photo n'aura pas un flash aussi bon que... ça, c'est-à-dire que le petit flash de ton appareil photo est un petit peu mieux que le flash de ton téléphone. Alors que la ben, petite boîte... Pas vraiment, là, mais en tout cas... Oui. Moi, je pense que oui. Achète-le, on le testera. C'est bon. Puis on va le renvoyer. Achète-le sur un site qui prenne les retours facilement. Par contre, ça m'étonnerait qu'on le garde. Le Apple Store. Donc, c'est vendu au Apple Store. Donc, ça vaut la peine de le tester. On va aller chercher ça lundi prochain. Ben oui, on va l'avoir pour 14 jours, puis on le retournerait. On va le retourner mercredi. Ben oui. C'est bon. Le deuxième produit, c'est Onyx. Onyx, c'est une petite POC, pas très grosse, qui est encore en Bluetooth. C'est un communicateur style Star Trek. C'est vendu 99$. Je l'ai vu. Puis c'est assez intéressant. Donc, c'est en fait, plutôt que d'avoir un truc à l'oreille, ben c'est un espèce de speaker micro Bluetooth comme, que tu portes. Comme l'affaire de Star Trek. Là, exactement. Et ben, c'est assez intéressant. Il y a quand même plusieurs petites fonctionnalités le fun là-dedans. Je pense qu'on peut programmer en fait pour que ça appelle quelqu'un directement. Il y a différentes choses. Donc, on vous suggère de regarder ce produit-là. Ça s'écrit Onyx, O-N-Y-X. Faites attention parce qu'il y a un logiciel aussi pour Mac qui s'appelle Onyx et qui sert à faire un peu de maintenance dans votre ordinateur. Mm-hmm. C'est un excellent logiciel d'ailleurs. Ouais, gratuit en plus. Voilà. Mais faites attention. Et ben en fait, ce que vous pourrez faire avec le Onyx à 99$, il y a fort à parier que ça risque de pas prendre trop de temps et que vous puissiez le faire avec la iWatch quand elle va sortir. C'est-à-dire, tu sais, il y a soit le je tape mon chess de Star Trek ou soit le je parle à ma montre de Dick Tracy ou de l'inspecteur Gadget. Là. En parlant de la montre Apple, j'ai vraiment hâte de voir le prix, combien qu'elle va être la montre or 24 carats là. Moi, c'est le prix, là. Je veux juste... Ah, il parlait de 3000 piastres. Ah, je sais. Ça va être débile. Ça va être une montre. Ça va être une montre. Il y en a qui triplent là-dessus, les montres, là, Moi, je vois pas l'utilité. Ben, moi non plus, jamais en 100 ans, je vais acheter ça. Moi, là, la Pebble à 99 piastres, c'est pas mal le top que je paierais. Mettons ça, c'est combien, là? Ça? 99 en ce moment. 99. Bon, c'est à peu près le top que je paierais. Tu sais, quand on avait parlé l'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus. Moi, là, je me dis, 150, là, une montre, là, je paierais n'importe quand. Mais 350$ de base, oublie-moi. Ouais, mais dans 3-4 ans, tu vas avoir la Apple Watch Mini, oh, là. Seigneur. Ça va être une bague? Non, ils en sortiront moi, pas moi, chaque année de ça, la Pebble me tente vraiment, parce qu'elle fait tout ce que j'ai le goût que ma montre fasse, genre lire mes notifications de messages textes, me dire l'heure, puis me permettre de faire des choses un peu de base. Est-ce que là, tu peux voir ton fil Twitter avec ça? Il apparaît le fil Twitter? Je sais pas pourquoi, mais moi, ma montre, la Pebble, je la porte puis je la mets à chaque podcast, mais pour de vrai, c'est une arnaque parce qu'elle n'est même pas chargée. c'est pour l'apparence. C'est juste pour l'apparence. Ben, c'est ça, une montre. Ouais, mais... Hein? Oui. Donc, la mienne, je sais pas pourquoi, mais elle reçoit comme les notifications en burst. Okay. Elle reçoit, à un moment donné, elle se met à vibrer, je ne sais pas pourquoi, puis elle reçoit tous mes emails, mes tweets, là, mes Facebook, tout en même temps. Tout est à jour. C'est peut-être une configuration. Je sais qu'il y a quand même certaines personnes, entre autres Stéphane Vaillancourt, qu'on connaît. Chamontin aussi en a une, si je ne me trompe pas. Benoît en a une. Faudrait voir. Hey, je m'en vais aux États-Unis. Je pense que je vais en acheter une. Il y en a chez Best Buy aux États-Unis. Oui. Regarde ça. Je vais revenir avec une Pebble. De toute façon, la Pebble encore, c'est considéré. Il y a eu un article qui est sorti cette semaine. Je pense que c'est Wirecutter. Et la meilleure smartwatch, ça reste la Pebble. Avec tout ce que les Samsung ont fait, toutes les autres, la Sony. La Moto 360, la Google Gear. C'est l'original, c'est la Pebble qui est partie toute la balle. Oui. Donc, on sait maintenant que Apple Watch, ils ont commencé à travailler dessus avant Pebble, donc ça a été annoncé en 2012, la Apple Watch, les premiers brevets datent de 2011, mais ils ont pris 3 ans de making. La Pebble Watch n'est pas couleur, hein? Donc c'est du e-paper ou e-ink. C'est du e-ink, là, mais ouais, c'est ça. C'est un peu comme le Kindle d'Amazon, la liseuse numérique. Mais moi, si je m'en fous de ne pas avoir une petite icône en couleur là, qui me dit que c'est mon message texte qui rentre. Parce que c'est vrai, il y a raison. Excusez, si je viens d'accrocher le micro. Il y a raison parce que moi aussi, mettons, j'aurais ça. Parce que des fois, j'ai mon téléphone dans les poches, puis quand vous m'écrivez ou que je reçois des notifications. C'est juste, c'est important. Tu sais, t'es dans une situation où est-ce que tu veux pas aller reacher ton téléphone. Exactement. Tu le reçois. C'est juste pour ça, c'est correct. Mais le reste. Il y a des gadgets dans l'Apple Watch. C'est le fun, là, payer avec l'Apple Watch. C'est le fun de faire ces choses-là. Parce que, soit sortir mon téléphone ou sortir mon portefeuille. Si je peux payer avec mon téléphone sans traîner mon portefeuille, ce sera au moins ça de prix, là, mais. La montre, tout ce que je veux, c'est pas avoir à sortir mon téléphone. Admettons, là, je marche dans la rue ou bien je suis assis à quelque part, là, puis je vais être obligé de me lever puis de gosser avec mon téléphone là, pendant 4-5 secondes puis le sortir de ma poche pour voir c'est qui m'envoie un message texte. Je regarde, c'est une niaiserie, je sors pas mon téléphone pour ça. D'ailleurs, on salue Harold sur Twitter cette semaine qui nous a envoyé une photo pour nous dire en train d'écouter La Pomme, Mac Québec, et la photo, c'est son bras avec une Pebble. La Pebble noire, et c'est marqué podcast La Pomme. Ouais. Donc, il est encore sur l'ancien feed de Mac Québec. Là, mais pourrait le mettre à jour. Tu peux faire beaucoup de choses avec une Pebble. Oui. L'application qui vient que tu peux télécharger sur iOS fait beaucoup de choses. Elle est programmable à l'infini. Il y en a plein des trucs que tu peux aller chercher. Tu peux avoir la météo, tu peux avoir... si tu cours, il y a beaucoup d'applications qui ont été développées pour ça. Puis, une des choses, je vais te donner un exemple. Mettons, chez vous, tu as un radio AirPlay. Oui. OK? Donc, Tu dis, hey, check, je peux mettre de la musique en AirPlay, c'est super cool, tu pars ça. Ben oui, mais jouer de la musique, ça prend quand même de la batterie à ton truc. Moi, la radio que j'ai AirPlay à la maison, je peux connecter mon téléphone dessus. Mm-hmm. Mais ce que ça. Tu sais, sauf qu'à chaque fois que genre, je veux plus cette chanson-là, je veux switcher de chanson, ben il faut que j'aille sur le téléphone puis je la change. Avec la montre, ben je peux y dire passe à la suivante ou quelque chose comme ça. Donc. C'est des petites choses comme ça. Ça reste très, très gadget comme utilisation. Il ne faut pas penser que ça va révolutionner votre vie. Stéphane Vaillancourt l'aime beaucoup, lui, sa montre. Moi, T'sais, je l'ai perdu pendant un bout, je l'ai récupéré. Ouais. Le bracelet était cassé. Bon, jeté un fil. Oui, exactement. J'étais allé acheter un fil, tout ça, mais bon, c'est pas, pas si pire que ça. My God, ils l'ont même chez Best Buy Canada. 109,99 moins cher que la faire venir sur ah oui? De papier. Bon. Tu t'en vas aux États-Unis la semaine prochaine? Mm-hmm. Est-ce que tu vas essayer Apple Pay? Non, c'est toujours pas de nouvelles. Ah oui, c'est chez TD. Mm-hmm. Toi, c'est vrai. T'as-tu vu Walmart? Est-ce-tu Walmart? C'est qui, là, qui dit que... Alors, avec leur système de code QR, là, pour payer... Currency. Ouais, currency. Non, mais ouais. Ceux qui ont... C'est Walmart, cette semaine, qui ont dit qu'ils n'accepteront jamais Apple Pay parce que... Non, ben, ils n'acceptent même pas le paiement sans contact dans leur magasin, déjà, là, donc... Ah, je savais pas. Aux États-Unis. Ah, okay. Même ici au Canada, là. Ah, OK, mais voyons, c'est les gros avec le... Ouais, les grosses crises de machine, ouais, ouais. Mais ils n'acceptent pas le paiement sans contact. Ah, OK, il n'est pas activé, non, OK, je savais pas. Ben, il n'est pas dans la machine, là. OK. En tout cas, moi, je pense pas qu'il soit dans la machine. Ça a l'air assez vieux, là, ces machines-là. Mais okay. La raison, et on pensait que c'était... en fait, la raison pour laquelle ils veulent faire ça, c'est qu'ils veulent bypasser les frais. Les frais qui sont de crédit et tout ça. Et la deuxième chose, c'est que ils veulent... tous les programmes de loyauté, tous les programmes de rabais instantanés, ils veulent gérer ça eux-mêmes. Mais c'est pas juste ça, c'est que... Ils vont en avoir des programmes de loyauté puis des programmes de rabais instantanés oui, avec ça. Apple Pay. C'est juste que Apple donnera pas l'information aux revendeurs. T'es anonyme vis-à-vis le revendeur, alors qu'eux autres, ils veulent créer des bases de données où est-ce qu'ils te connaissent. Okay. C'est là qu'est la différence et c'est pour ça qu'ils obligent à currency. Il y a par contre des compagnies qui se sont virées de bord par rapport à il y a deux semaines quand on a parlé de ce système-là, puis qu'on a dit que vous pourriez pas utiliser Apple Pay. Il a été piraté le jour d'après, je pense. Il a été piraté. Ah oui, ça a été piraté. Oui, oui. Il y a rien. Le gars disait que c'était plus protégé qu'Apple, mais il était dans le champ, il disait n'importe quoi, mais il a comme pas le choix de dire des niaiseries comme ça, là, en même temps. Mais il y a un magasin, je ne me souviens plus lequel, qui a décidé d'ouvrir quand même Apple Pay, même s'il y avait currency, parce que éventuellement, ils vont être obligés. Les gens vont rentrer, ils vont dire, je ne veux pas scanner ton code QR, mange-en de la chenotte. Ben oui, un code QR, toi. Hey, c'est comme... Ça n'a même pas marché quand c'était pas pour payer, c'est pour quelque chose. Je me suis astiné avec une représentante à la job, OK? Elle est venue me vendre, puis ils l'ont accepté. Mes boss, là, j'étais bleu, là, vous savez, le bracelet, là, les codes QR qui avaient passé au Dragon, là, je n'avais parlé, je pense, du site ou avec des amis, whatever, là, que, mettons, t'as un problème, là, t'es à terre, puis là, t'as un bracelet. Ah, c'est un bracelet avec un code QR, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde sait même pas c'est quoi un crise de code QR. Vous vendez ça à... Oui! Ça a passé au Dragon. C'est le genre de bracelet médical, tu vas scanner le code QR, puis tu vas dire, diabète. Tiens, mais là, c'est l'ancien bracelet. Non, ça dit ton nom. Ça dit, mettons, Jean-Michel Boily qui habite à une telle place, contactez, mettons, ta mère ou ton père à tel numéro. Mais c'est juste ça. Mais un code QR, là. OK? Ça existe plus. C'est mort, un code QR. Mais oui, la personne s'effondre là, sur le trottoir. La première chose que je vais faire, c'est... T'appelles le 911. Il y a un code QR. Là, je vais chercher mon application code QR que je me sers une fois aux 4 mois. Puis là, OK, bon, je scanne ça. Bon, OK, bon. La personne a le temps de mourir 5 fois qui reste en ligne, tu sais. Hein? N'importe quoi. Ah, j'ai son numéro. Ah non, il est mort. Ah oui, c'est ça. J'ai pas eu le temps d'appeler 911. C'est comment c'est... Non, c'est... Cette semaine, messieurs, j'ai un peu moins suivi les nouvelles Apple parce que je me suis plus intéressé aux jeux de table. Comme je l'ai dit, on a coupé la télévision à la maison. Donc, malgré que j'avais plein de séries à écouter, on a quand même essayé de se trouver... Il y a d'autres plaisirs. Quelques autres activités. Et on est tombé sur un jeu qui s'appelle Cards Against Humanity, qui est un des jeux très, très, très populaires en ce moment. Et on a joué à la version anglaise. Et ma copine est un peu moins bilingue que moi. Puis, quand tu parles en anglais, c'est une chose. Quand tu veux faire des jokes en anglais, il y a comme un niveau de subtilité faut que tu rajoutes puis que ça reste compliqué. Donc, pour pas qu'elle soit mise à part ou quoi que ce soit, on était comme 10 autour de la table. Il y a une application qui existe depuis quand même un certain temps qui s'appelle Wordlands. Okay. Te souviens-tu de Wordlands? Faudrait jouer l'application. C'est une application qui te permet de scanner. En fait, L'application est gratuite et tu peux télécharger des modules in-app à l'intérieur qui sont bizarrement gratuits. Je ne sais pas pourquoi, ils ont changé leur modèle d'affaires à un moment donné. Fait que tu télécharges en fait les langues. Et ce qui se passe, c'est que c'est en réalité augmentée. Donc, ton application, tu l'ouvres, tu as une fenêtre qui est prise par ta caméra, tu snaps quelque chose, tu le passes sur quelque chose, et live, avec le déplacement, tu as les mots qui vont se remplacer de la langue que tu as la langue, mettons, français ou quelque chose comme ça. Donc, je me rappelle. C'est pratique dans ce cas-là. Mm-hmm. On l'a utilisé pour scanner les cartes puis avoir un petit peu plus les subtilités. Mais tu arrives en Chine où est-ce que tu connais absolument pas le dialecte, ben tu utilises cette application-là qui s'appelle Wordlands. Donc, c'est pas tant une découverte qu'une redécouverte dans le sens où c'est une application qui date depuis quand même un certain temps. Dont je vous parle. Des jeux de table sur mobile, y en a-tu? Mettons, les jeux de table que vous jouez depuis 2 semaines, là, est-ce qu'il y en a des versions mobiles de ces jeux-là qui sont... Ben, il y a pas directement la version mobile, mais il y a des qui utilisent le même thème, tu sais. OK. Tu sais, des jeux de zombies sur l'App Store, il y en a un shop in barge. Ben, évidemment, dans les applications, ben, t'as un paquet d'applications zombies. Une qui existe, en fait, il y a certains jeux de table pendant je sais pas combien d'années, Destin. Destin a été une application qui a été très, très haute dans le App Store. Il y a Stu Catan. Je pense que Catan, il l'a. Comment ça s'appelle? Les Chevaliers de Catan ou quelque chose comme ça? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les Chevaliers de Catan. Puis il y a... oh boy! Il y en a un autre jeu très populaire que je trouve excessivement plate où est-ce qu'il faut que tu ailles manger des secteurs, puis là, tu fais des routes, des trading routes, des trucs comme ça. Puis c'est une application vraiment intéressante. Il y a Space Team que moi, je trippe toujours dessus, qu'on a parlé à plusieurs reprises. Là. Avez-vous trouvé d'autres applications qui utilisent Metal? Mais sur le App Store, il y a une section. La liste n'est pas mise à jour. Juste une batch d'applications qui a été featurée au lancement, mais ils n'en ont pas rajouté. Mais là, je sais que Oceanborn s'en vient avec iPhone 6. C'est la copie presque conforme de la légende de Zelda A Link to the Past au Super Nintendo qui va être fait pour Metal. Ça va être... ce jeu-là, là, si vous avez un peu d'argent à dépenser sur le store, là, achetez-le. Si vous aimez Zelda, là, puis vu que Nintendo n'est pas rendu sur les portables encore, juste pour une version de Pokémon sur iPad, c'est Oceanborn, c'est la version de Zelda pour mobile. Très bon jeu. Ça ressemble vraiment à Link to the Past. C'est super bon. Puis il s'en vient de Metal. J'ai vu passer ça parce que ça m'a fait penser à ça. Mais... j'en ai pas vu. J'ai cherché, moi aussi. J'ai pas d'iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, mais... parce que c'est un peu dommage, parce que Apple, ils ont tellement vanté ce nouveau format de jeu-là, ce langage de programmation de jeu, que... on sait pas. Ouais, mais c'est pas juste comme, tu sais, 10, go to 20, enter metal. Tu sais, il faut non, que tu travailles pour le faire. Sais. Ouais, mais sauf que ça fait un bout, là, on s'entend-tu que si on a eu le temps de développer dans pas longtemps son jeu de pirate, là, c'est quoi? Ouais, Plunder Pirates, qui était déjà disponible avant, qui ont mis à niveau à metal. Là. Ouais, OK. Fait qu'ils ont dit, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je trouve ça. Il y a quelqu'un via Twitter qui vient nous envoyer une nouvelle que j'avais vue passer cette semaine. En Chine, il y a une journée. Qui est le contraire de la Saint-Valentin. En fait, c'est une journée pour les célibataires. Et ça va avoir lieu dans quelques jours. Il y a eu... on ne sait pas, en fait, si c'est vrai ou pas, mais il y a eu un gars qui a fait une demande en mariage à une fille. Et sa demande en mariage, il l'a faite à l'intérieur d'un cœur qu'il a dessiné avec 99 boîtes de iPhone. Il a acheté 99 iPhones, soit 70 000 piastres de téléphone. 99 boîtes d'iPhone. On ne sait pas si l'iPhone est dans la boîte. Moi, je vois la photo, puis ça a l'air assez tight-wrap, là, ça. En tout cas, bref, le gars a demandé la femme en mariage, puis probablement qu'elle s'est dit, comme n'importe qui, ce gros gnochon, qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec 99 téléphones? T'aurais pas pu garder ça pour qu'on aille en voyage ou quelque chose. Elle a dit non. Elle a dit non. Oh, oui. Elle a été refusée sa demande en mariage. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est vrai ou c'est un stunt publicitaire en rapport avec la journée des célibataires puis tout ça. Donc, ça reste à voir. Combien de boîtes d'iPhone? 99. Oui, il voulait. C'était très drôle. C'est beau, non. Sinon, messieurs, c'est ce moment... je vais juste retrouver mon boss joke rapidement. C'est ce moment de la semaine que tout le monde attend parce qu'ils sont pognés avec leur ordinateur. Et oui, c'est les amateurs de Mac. Bonsoir! Jingle. Les amateurs de Mac, bonsoir! Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est rendu... Avant de commencer, là, je veux juste... Là, je vais donner mon coup de 12 de la semaine à la calice de loi 101 qui fait que la Pebble ne peut pas être vendue au Québec par Best Buy à cause que la boîte est en anglais uniquement. Ben oui, c'est ben ça. Oui, s'ils veulent la vendre ici, on va aller à Hawkesbury à côté. Il n'y a pas de Best Buy à Hawkesbury. Il n'y a pas de Future Shop. Il y a un Future Shop à Hawkesbury. Il y a un Staples, je pense. Il y a un Staples, il y a un bureau en gros. Je sais pas, là-bas. Tu vas l'acheter ailleurs, tu vas payer des taxes, ils vont se faire des belles routes avec. C'est ça qui va se passer. À Cornwall, par exemple. à cause que la boîte est en anglais. Oui, la boîte est en anglais, ils ne peuvent pas la vendre. Ça faisait ça avec des. Comment ils ont su que la boîte est en anglais? Ben là, Best Buy l'a reçu à son entrepôt. On a vu que la boîte est en anglais. Puis ils ont dit on la vend pas. La langue française va essayer de nous pogner en commandant une. Ils vont nous foutre une amende. Le pire dans tout ça, moi je travaillais à la. Un sticker là, blanc. Ben, voyons donc. On reçoit des barres de chocolat à job. Tu sais, c'est écrit en. Je sais pas quelle langue. Okay. Mais t'as personne qui vient pour se plaindre de jamais. Ça? Jamais. Au magasin de pièces, proche de chez nous, ils vendent des kits cartes, l'emballage comme européen, là, c'est écrit en arabe, en allemand. Exactement. Puis, sa palette de chocolat, il y a un sticker blanc avec les. Si les ingrédients, c'est marqué en français, la loi 101, ça. Torche. OK? Fait que Non, il faut que le produit soit annoncé en langue française. Ben oui, il faut qu'il y ait quelque chose de français. Ouais, fait que le sticker est marqué, collé, marqué, c'est marqué en français, puis ça passe. Merci, bonsoir. Ouais, mais en même temps, Best Buy, la warehouse, tu sais, bon. En tout cas. C'est le plus gros Best Buy, puis déjà que la fille les a dans l'œil à cause c'est Best Buy. On vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires à nous transmettre, vous pouvez le faire en utilisant info@lapomme.me ou encore podcast@lapomme.me. Ouais. Les deux. Vous pouvez utiliser aussi le hashtag @lapomme. Donc, pas @lapomme, excuse, hashtag lapomme. Voilà. D'ailleurs, suite au dernier podcast, il y a Yves Gatien qui nous a contactés pour nous dire qu'il aimait beaucoup notre podcast et pour nous donner quelques détails supplémentaires sur la télévision OTA. On avait parlé un petit peu du fait de couper justement le câble à la maison, que les gens pouvaient utiliser une antenne. J'en avais acheté une, ça fonctionnait pas très bien. Monsieur Gatien me dit d'utiliser peut-être un truc pour renforcer le signal, là, le mot m'échappe, mais c'est pour crinquer le signal, en fait. Quand tu commences à avoir un câble qui est très long, c'est ce que tu es obligé de faire. Là. Mettons que ton antenne est dans le grenier, puis tu as un long fil qui descend, ben, tu as besoin de quelque chose pour crinquer le signal. Il capte beaucoup, beaucoup de chaînes. Lui, il est à Drummondville. Il peut capter pas mal n'importe quoi et des postes aux États-Unis. Mm-hmm. On va avoir une question, mais avant ça, je voulais vous parler des dates à retenir. Donc, le Club Mac de Lanaudière va tenir ses mensuels, sa mensuelle, le mercredi 26 novembre 2014, dès 19h au Cégep de Joliette, au local A340, j'y serai. Et le Club Mac de Montréal, eux autres, sont encore du 22 octobre, le mois passé, donc je sais sais pas c'est quoi la date. C'est-tu été la semaine passée, il y a deux semaines? Je suis allé à Joliette. Mm-hmm. Puis? C'était super intéressant. J'étais probablement le plus jeune de la place. Ouais. Joliette, à la base, est une ville de retraités. Il y a beaucoup, beaucoup de têtes blanches là-bas. Mais c'était du monde... c'était du monde bien, bien connecté. C'était pas comme du monde qui savait rien. Il y avait comme une couple de personnes dans la salle qui connaissaient ça. Il y a entre autres, j'ai pas retenu son nom, mais il y a entre autres un gars qui était imprimeur, qui me parlait des problèmes qu'il avait avec des vieux systèmes, puis qui était encore obligé d'utiliser Quark, mais que Quark 10, puis tout le kit. En tout cas, il y avait des troubles à cause de l'imprimerie. Et d'ailleurs, il y a un produit que deux personnes avaient dans la salle. J'ai jamais porté attention, mais eux semblaient dire que ça fonctionnait très bien. Ça s'appelle un MediaShare. C'est une boîte Wi-Fi dans laquelle tu peux sacrer une carte SD ou une clé USB puis partager le contenu avec différentes personnes. C'est un peu comme les disques durs Wi-Fi, tu sais, que Belkin produit avec 64 gigs dedans, mais c'est pour prendre un média, le plugger dedans puis le partager. Okay. Je trouvais ça assez intéressant, puis c'est des trucs qui coûtent... le gars disait, j'ai acheté ça pour 35$ sur Amazon. Fait que c'était quand même assez intéressant. Et pour les gens qui, après le podcast, voudraient peut-être sortir, il y a Coco Heads qui a lieu ce soir. C'est une rencontre de développeurs iOS qui a lieu à Montréal. C'est à chaque mois, si je me trompe pas, au début du mois. Et c'est au McKibbins Irish Pub. Et là, c'est pas McKibbins, c'est... McKibbins, Irish Pub, au 1426 Bishop à Montréal. Ah. Voilà. Sinon, on a reçu une question cette semaine. On l'a reçue par email ou par... Par courrier. Par courrier? Par courrier recommandé. Par courrier recommandé. Je pense que ça me dirait fax. Par fax. Faudrait par prendre son nom. Il faudrait prendre son nom, en fait. Je vais te le retrouver. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le contacter parce qu'il n'y a plus personne. Je vais lui envoyer un beau petit coupon. Oui, soit un coupon, un T-shirt. J'ai des coupons. Non, j'ai des coupons pour des caisses de cellulaire. Des excellent. Pour se faire vacciner. Des coupons. Non. Oui, des coupons pour avoir de la bouffe gratuite aux États-Unis. Donc, tu le contacteras puis tu lui enverras, en fait. Sa question que je veux retrouver. Non, c'est la TV. Oui, c'est ça. Ah non, c'est sur Twitter. C'est ça. Okay. C'est sur Twitter. Je vais le contacter sur Twitter. Oui. Je pense à ça. Tu vas lui écrire sur Twitter. Donc, sa question. Non. Y a-t-il moyen de contrôler un Apple TV sans télécommande? Il nous spécifie qu'il a perdu sa télécommande. Le Wi-Fi, c'est un nouveau routeur, donc il a changé le routeur. Et est-ce qu'il demande s'il est obligé de se racheter une nouvelle manette? La réponse, c'est oui, sauf si tu as un iPhone. Ben non, pas nécessairement, là, mais bon, continue de dire, j'ai une autre solution. Là. Ah, excellent. Donc, la première chose, c'est que depuis un certain temps, en fait, la puce dans les Apple TV de troisième et de deuxième génération... Je pense que premièrement, on pourrait juste aller dire qu'une Apple Remote, ça coûte 19$. Oui. C'est ça. Et ensuite, tu peux commencer avec ta solution. Donc, après avoir, en fait, dans le souci de vouloir économiser 19$, ce qu'on pourrait simplement faire, c'est que depuis un certain temps, si votre iPhone est connecté sur un réseau sans fil, ben, simplement en le bumpant avec la Apple TV, c'est comme si votre téléphone... Oui. C'est au setup. C'est juste place. C'est au moment du setup du Apple TV que tu peux faire ça. Là. OK. Tu peux pas faire ça ailleurs d'autre que dans le système. Oh, que, OK. Que quand tu démarres ta Apple TV, qu'elle soit mise à jour. Il y a un bouton reset en arrière du Apple TV. Oui. Oui. Oui, il y a un bouton sinon, reset. Tu peux le faire avec iTunes en le connectant avec ouais, le ouais, câble ouais, micro ouais, USB. Ah, oui, oui. Bon, mais si il y a le bouton reset. Appuyez sur le bouton reset, vous allez avoir le logo Apple TV, ça va être marqué en bas. Si vous avez, je pense à partir de iOS 7, et vous prenez, puis votre Bluetooth de téléphone, faut qu'il soit ouvert, connecté au réseau de la maison. Oui. Prenez votre cellulaire, vous le tapotez. Non, faites tout ça de même. d'accord. OK, tu le déposes dessus. Tu le déposes dessus. Là, tu vas voir, ton Bluetooth va commencer à flasher sur ton cellulaire et ton cellulaire va te demander le mot de passe de ton Apple ID. OK. Puis là, en rentrant ton Apple ID d'Apple, là, ça va configurer, ça va envoyer les informations qu'il y a dans ton téléphone, dans le Apple TV. Donc, ton Apple ID, ton réseau sans fil actuel. Excellent. D'accord. C'est un petit bidule-là. On s'en est servi pour illustrer le flash. Bluetooth, tantôt, ouais. Là, l'Apple TV. Tu l'amèneras toutes les semaines. C'est bon. C'est pas encore fini le show. Fait que, on va y ouvrir un compte Twitter, puis on va faire la boîte blanche de la pomme. C'est le hub USB de la pomme, puis toutes les affaires, un Tumblr, le kit. On est populaire. Oui, donc le transfert. L'autre solution. L'autre solution, ça s'appelle Type to Phone. Ah non, mais non, ça marche pas. Faut que tu aies accès au menu Bluetooth pour faire ça. Ah. Fait que c'est ça. Fait que c'est le petit bouton reset. Si le petit bouton reset marche pas, tu siffles comme un épais. Non, c'est une fois que l'information est rentrée dedans, puis que maintenant ton Apple TV est sur ton réseau, ce que tu peux faire, c'est aller chercher l'application Remote qui va te permettre de naviguer dans ton... Il faut aller le faire avant de connecter les deux ensemble, parce que c'est avec l'application Remote qu'on peut faire la tap. Là, puis la ah oui, OK. Là, donc, il faut aller télécharger l'application. Non. Oui. Non, pas sûr. Tout. Le tap, là, il se fait n'importe quand, OK? Le tap, là, tu peux être... À chaque fois que j'installe les versions bêta... Ça passe pas avec l'application. Je t'assure et certain que ça passe avec l'application. Non, ça... Moi, je cogne mon téléphone, puis à part plier le Bluetooth, t'as pas l'air de s'énerver. Non, ça y est. Non, mais mettons, t'es sur le home, là. Elle est belle, es-tu? Par exemple, je n'avais pas regardé la semaine passée. Mm-hmm. Fait que... Vous pouvez rejoindre l'équipe du podcast ton home et ça s'installe. C'est dans le système. Fait que c'est ça. Fait que après... Sinon, c'est ça, c'est le petit bouton reset, puis vous mettez votre... Sinon, après, c'est... Désolé, on t'a pas entendu, JF, j'ai appuyé sur un bouton sur iPhone Alexis, mais on a entendu vos adresses. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je vais encore dire des niaiseries. Mais sinon, c'est ça, c'est 20$ sur Apple Store. Mais même si vous avez... Si vous voulez pas dépenser 20$, là, vous prenez l'ancienne manette, l'ancienne petite manette blanche. Là. Ouais, celle qui était collée sur votre vieux iMac. N'importe quelle manette universelle peut être programmée pour l'Apple TV. Ouais. Si j'ai une manette Harmony de Logitech chez moi, puis elle est programmée pour mon Apple TV. Probablement que si vous cognez une manette Samsung assez fort, elle va comme... on nous pose évidemment la question, alors j'installe Yosemite ou pas? J'ai un iMac i7 mi-2011 2.8 avec 8 GB de mémoire qui roule 10.9.5. Sur une machine comme ça, il n'y a aucun problème à installer Yosemite. Le truc, par contre, c'est que c'est une version 0.0. Donc, si c'est un ordinateur de production, donc nécessaire à ce que vous mangiez puis payiez le loyer, peut-être que, tu sais, vérifiez au moins vos applications de base, là, les applications nécessaires. S'il y a des mises à jour qu'on vous dit que c'est compatible avec Yosemite, allez-y. Mm. Cette semaine, j'ai eu des questions d'un client, mais non pas d'un client sur Facebook, mais c'est un musicien. Puis les plugins VST, là, c'est pas mis à jour souvent. Non, donc, on met pas à Yosemite, on garde l'ordinateur une version précédente quand ça fonctionne bien. C'est JP Delp qui m'a posé la question sur Facebook. Oui, c'est ça. Yosemite, la version 10.10, a un problème avec le Wi-Fi. Oui, qui serait en train de régler avec la version 10.10.1. Moi, j'en ai pas eu de problème. J'ai tout le temps des problèmes avec mon Wi-Fi, moi, sur cet ordi-là. Fait que je l'avais le problème. Je l'ai encore un peu aussi, encore avec la version bêta qui est installée à l'intérieur parce que je l'ai installée. Okay. Mais c'est moins pire. T'sais, c'est moins redondant. Parce que tu sais, des fois, j'arrivais, puis là, je démarrais l'ordinateur et. OK, pas de Wi-Fi. Là. J'étais pas connecté, pas partout, puis j'étais chez nous. Là, t'sais. OK. Puis là, j'essayais, je refaisais PRAM, toute la patente, le SMC, toute la patente. Ça marchait pas. Puis à un moment donné, après 3-4 démarrages, il repartait. Mais pour l'instant, c'est à peu près le seul gros problème qu'il y a avec la version 10.10. Pas sur tous les modèles, mais ça peut arriver. Fait que, à part ça, non, moi, j'irais. Si vous faites du. L'Internet, puis du courriel, puis du YouTube. Là. Genre, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je suis pas impressionné par 10.10. Je ne suis pas... Bon. Tu sais. Ben, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un peu comme 10.9, il y a beaucoup de monde qui ont été poussés à le télécharger parce qu'il était gratuit, puis comme... il apparaît en gros comme ça dans ta mise à jour. Ben fait ouais. que le monde va comme... Ouais, j'ai même des clients qui m'appellent. C'est pas comme si ça avait coûté 40$ non plus. Non. Non, mais, c'est ça. Non, mais tu fais le saut en tabarouette là, quand ton iPhone, ton iPad puis ton ordinateur sonne, ouais, ouais. puis tu n'étais pas au courant qu'il y avait cette fonctionnalité-là, que tu ne sais pas comment l'arrêter, que tu comprends pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça, je trouve ça fatigant, par exemple, parce que mon Mac finit de sonner, j'ai déjà commencé à parler. Là, puis là, j'imagine oui, que c'est vrai. Quand tu parles au téléphone, ah ouais? t'entends encore sonner en arrière. Là, ben, c'est parce que ça passe par iCloud pour faire sonner ton ordinateur. Fait que toi, le temps que tu répondes, tu commences à parler parce que tu es sur le réseau téléphonique, ouais. mais avant que ton téléphone avertisse iCloud, c'est correct, j'ai répondu, arrête de le gosser. Puis que ça se rende jusqu'à ton ordinateur, okay. ça prend un petit peu de temps. Donc, pour les messages textes, c'est pratique. Oui, oh, oui, tout à fait. Oui, parce que tu peux recevoir, mettons ceux qui sont sur Android, tu peux recevoir tes messages textes dans iMessage. C'est ça, oui. Puis tu peux répondre dans iMessage. Vous souvenez-vous qu'on voulait utiliser, on a essayé même il y a 2 semaines, on voulait utiliser le FaceTime audio par plusieurs usagers. Ouais, ouais, quand on était à Douard avec ça pendant un gros 20 minutes. Ah ouais. C'est comme des épais, à siffler comme des épais. Mm. Ça a été enlevé. Si on regarde sur Internet, FaceTime audio, plusieurs usagers, ils ont annoncé le 7 juin, c'était sorti dans les specs. Puis après ça, il n'y a plus personne qui en a reparlé, puis c'est apparu nulle part. Puis ça a juste comme disparu au cours du développement, mais ça fonctionne plus, c'est plate. On aurait pu faire FaceTime audio à plusieurs personnes, mais bon, que voulez-vous? Mais moi, j'ai pas encore comment je pourrais dire? J'ai pas encore la notion de... Parce que moi, avant, quand j'étais jailbreaké sur mon téléphone, j'utilisais pour les messages byte SMS. Ouais. Bon. Quand je recevais un message texte, j'avais tout de suite le pop-up pour écrire tout de suite pour répondre à la personne. Mais, ah oui, là, faut sliding. Mais j'y pense pas. Non, moi non plus. On n'y pense pas tout le temps, effectivement. J'y pense même pas en tout. Okay. J'ai réalisé ça en fin de semaine parce que je pense que c'est ma soeur qui m'a écrit ou whatever. Je crisse de pain. Pourquoi je rouvre l'application? J'aurais pu y répondre direct. Mais j'y pense pas parce que t'as pas. Tu sais, moi, j'aurais mis dans les options de messages. Que tu peux faire apparaître le champ de réponse ben automatiquement. Oui. Ben oui. Ouais. Mais. Ça aurait du sens. Tu peux même le faire sur l'écran de. Oui, mais c'est ça. Mais l'accueil, si tu tires vers le bas. Tu tires vers la gauche, tu vas avoir un reply qui apparaît. Tu passes sur reply puis tu peux le faire directement. Ah! Intéressant. Oui, mais faut que tu y penses. Là, ben, il y a aussi, quand tu es dans tes emails, puis là, tu vas aller voir un email en dessous, tu peux le pousser vers le bas maintenant. Tu peux prendre... Tu sais, tu es en train d'écrire un email, puis tu veux voir tes emails qui sont en dessous. Mettons, tu as ton inbox. Mais tu peux prendre le email puis le pousser vers le bas. Puis il va rester là. Tu vas pouvoir browser. Ouais, tu vas pouvoir browser tes emails. Puis après ça, tu le retires vers le haut. Puis tu vas pouvoir. Moi, je me sers pas de mail. Fait que... Ah, bon. Ah, est-ce que vous avez eu gmail.com. Des. Gmail.com, la version directement. Web. Let's go. Il y a eu Inbox qui est sorti cette semaine. Il y a des invitations. Tu l'as essayé? Wow. C'est encore une file d'attente. Là? Ben, ouais, c'est encore un système de file d'attente. Là, mais, je l'ai dedans, ce monsieur. C'est ordinaire, là. Tu trouves? Ben, t'aimes ça? À un moment donné, tu j'ai peux pas utilisé. Tu peux pas réinventer la roue, là. Non, c'est ça. Un service de courriel, c'est un service de courriel. Ben, là. Eux autres, c'est ça qu'ils disaient. C'est qu'ils réinventent Ils réinventeront rien avec ça, là. Ben, en fait, c'est parce qu'ils réinventent rien parce qu'ils prennent Sparrow qu'ils ont acheté, puis ils le rebrandent Gmail, puis ils le sortent. Exactement, t'sais. Mais tu sais, j'ai joué avec quoi? Une heure ou deux? Puis après, j'ai arrêté. Non. Un courriel, c'est un courriel. Il n'y a pas besoin de flafla. C'est exactement pour ça que j'utilise gmail.com. Non, mais voilà. Excellent. Ben messieurs, je pense qu'on a assez dit de niaiseries pour cette semaine. Bonne soirée à la prochaine. Est année de rentrer nos niaiseries. Donc, on va à une pause et on revient avec la conclusion du show. La pomme. Le podcast. Vous revient dans un moment. vous pouvez joindre l'équipe du podcast La Pomme par courriel info@lapom.me, par Twitter @lapom_me, sur Facebook facebook.com/lapommepodcast et sur le web lapom.me. De retour à La Pomme, le podcast. Encore une fois, le podcast de La Pomme, LAPOM.me, tient à remercier ses commanditaires iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle, de iWeb, le pommier derrière La Pomme. Le podcast de La Pomme est diffusé depuis le iMusée, le musée de l'informatique du Québec, notre nouveau quartier général. Pour plus de détails, au www.imusée.net. Et nous sommes évidemment diffusés sur le site de Mac-Québec. Le prochain rendez-vous, le podcast de La Pomme, aura lieu le mardi 25 novembre à compter de 20h. Merci. Merci, robot Jean-Michel. Sinon, messieurs, où peut-on vous trouver? Sur Twitter, au JM souligné Boily. Excellent, Jean-François. Sur Twitter aussi, @JFRoy1979. By the way, j'ai été chez Target jeudi soir passé aller chercher le cadeau de ma nièce. T'as pas fait ça? C'est quoi son cadeau? J'ai acheté une Barbie. Tu peux vraiment y coiffer ses cheveux. Là. Tu sais, c'était cute. C'était une belle petite Barbie. 30$. T'as pas pensé y acheter la Barbie IT technicienne informatique? Ah. J'ai acheté. Si t'arrives chez Target avec l'idée d'acheter quelque chose. Ben, exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis ça. Pow. Parce que j'étais aux galeries d'Anjou. On était magasiné aux galeries d'Anjou. Il n'y avait pas personne. Breaking news, messieurs, ouais. Ça vient d'apparaître tout juste sur mon truc. iOS 8 est installé sur 60% des téléphones. J'ai vu 56 après tantôt, après-midi. Moi. Ben, c'est 60. En... Ouais, ça... 4% de même. Monté de même. Ça monte de 4%, soit qu'il y a un rédacteur quelque part qui arrondit. Oui, c'est ça. Exactement, parce que j'ai vu 56. J'irais pour l'arrondissement. D'à peu près 40 millions d'appareils. Ben oui, c'est ça. Oui, fait qu'il faut finir vite, mon. J'ai été chez Target et, my God, ça fait aussi dur. Non, ça fait pitié. Ah, ça fait pitié. C'est écœurant. Un vrai zalo. On a des clients au café où je travaille. Hein? Puis ça donne que les mêmes cafés dans les Target. Ben oui. Puis ils arrivent et ils disent j'ai été chez X café dans le Target l'autre jour et puis ça n'a pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure le service et la boisson que j'ai reçue. Puis on leur dit mais regardez, ils ne sont pas formés de la même chose. C'est pareil. Même dans les autres sections du magasin, là, c'est aussi pire. Ah ouais, c'est dommage parce que ça aurait été le fun d'avoir un vrai concurrent à Walmart. Ce qui est le cas aux États-Unis. Ce qui est le cas aux États, exactement. C'est mais ça que je États, comprends aux États, pas. Ouais, mais ils ont comme tout sacré tout le monde dehors et sont en train supposément de reprendre. Mais d'après moi, ils ont raté leur premier lancement puis ils ne seront pas capables de reprendre. Ils vont être obligés de disparaître. Mais bref, pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter ou sur Facebook. Je vous suggère de vous abonner à la page La Pomme de Facebook. On va sûrement trouver de quoi donner en concours là, à un moment donné. Ah, à un moment donné, je vais me tanner, je vais mettre 3-4 coupons là-dedans. Merci, bonsoir. Là. Moi, je faisais ça chez Mac-Québec. Je te donnais des codes de 6 à 3 heures de l'après-midi, moi. Excellent. Avec l'image d'un chèque là, pour déposer avec une application quelconque. Sinon, le compte Twitter pour La Pomme, c'est LA_POM, c'est ça? Non, LAPOM _ME. Excellent. Et sinon, sur YouTube, c'est LAPOM.ME. On devrait rajouter du stock. J'ai 2-3 trucs là, que je peux mettre là-dessus. Ouais, là, il va falloir vérifier sur le YouTube. Rejoindre par courrier, casier postal, 12765, succursale A, Longueuil, qui est maintenant. Pourquoi tu veux encore que le monde t'envoie du papier? Je savais sur cette histoire de La Pomme. Hey, je parlais de ça l'autre jour avec Jason, Maison Columbia. On a-tu fourré des CD dans le temps, Chris? L'ombudsman de La Pomme. Si vous avez des plaintes quant aux gens de La Pomme, veuillez les aviser. C'est ça, ZTV qui donne toujours leur information. Oh, en parlant de ZTV, on va finir ça. Là. Il y a une émission, c'est Dans le Net que ça s'appelle à ZTV. Dans le Net. Dans le Net, OK. C'est le Net, le N-E-T, l'Internet. Là. Hey, ils passent des vidéos de 2011, 2012, 2010. J'en revenais pas. Ah oui, c'est une espèce de vlog, mais bon. Ah, c'est C'est ça. Genre, là, c'est pas bon. Là. C'est vraiment pas bon. J'ai vu l'autre jour une vidéo. J'ai vu des vieux vidéos. C'était vraiment. C'était ça. C'est comme. OK. Donc, voici la critique constructive de la pomme vis-à-vis l'émission web. Vous pourriez remplacer ça par une table. Culture, oui. Le film Big Hero 6 de Disney est excellent. Ouais, moi, je vais aller voir. Peut-être, si je suis pas trop fatigué demain, je vais aller voir Interstellar en IMAX 70 frames par image. 70 mm. 70 mm, ouais, excusez. Sinon, ça va être bientôt, parce que je sais pas où Scotia, je sais pas combien de temps qu'il va rester en IMAX. C'est la seule place au IMAX qui est en... Ouais. Je pense que ça vaut la peine de le voir en IMAX, parce qu'au AMC, l'écran n'est pas vraiment IMAX. Non, c'est ça. Dans le cinéma Goodzo non plus, c'est le Scotiabank, c'est le seul... qui a un vrai écran IMAX. Comme au Centre des Sciences. Au Centre des Sciences, oui, c'est ça. Voilà. Au Centre des Sciences, on va voir Interstellar. Non, ça, maintenant, c'est Jérusalem 3D, là. Non, exactement. Ouh. J'ai entendu dire qu'il y avait moins d'action dans Jérusalem 3D que dans Interstellar. Mais ça ouais, mais si tu vas à Jérusalem, je te jure qu'il va y avoir pas mal plus d'action que à Jérusalem que dans un vol interstellaire bon. Dans une navette okay, spatiale. C'est fini. OK, on s'en va. Bonne soirée. Bonne soirée, là. Bye. Salut.